sous boulevard Gouin, Notre-Dame, les rumeurs planent, de me tirer en panne, que un plan pour nous faire tomber, prendre du recul pour mieux avancer, le guerrier n'a perdu son âme, un silence avant le vacarme, c'est un contre rendu on s'acharne, le feu, c'est mon élément de jeu, loin d'être élégant, t'as rien fait, c'est pas parce que t'es vieux, t'es un vétéran. One shot for my brother, for the brothers, two shot for my lady, there ain't nothing wrong when you hear the song, shash, you got the beat on life, hey, you know what I'm talking about. T'as lâché le rat pis t'as bien fait, t'inquiète. 13ème bat with a vengeance. Cours vite vers l'exit au bout de ta ma médecine. Contagieux, mes veines fois pire que mes méningites. T'as besoin d'exercice, j'y vais pour les olympiques. On est sur du next shit, j'ai toutes les connections. Achage tu sais, les rimes c'est des projectiles. Pour toi c'est l'exil, pousse-toi au Mexique. J'ai tant que j'respire, t'inquiète. J't'intègre, j'en vois pas qui sortent la tête pis ont rien fait. Simple, hardcore, simple, j'parle fort. J'fais plein de bruit pendant que toi tu fais le yeah. T'es pas gangster, t'es une princesse. M.O.B. J'vis de là mes princesses. Plus le même foie, mais c'est toujours le même style. Louder, c'est ton respect, faut que tu t'inclines. One shot for my brother, for the brothers. Two shot for my lady, for the lady. There ain't nothing wrong when they hear this song. Shash, you get the beat on life. You know what I'm talking about. Bum, bum, bum, bum. Can't see me cash in the house. Say what? Dans les yeux sont rivés sur moi, t'inquiète, tout ce que je dis n'écoute pas. J'suis un bec, j'suis un bec, t'inquiète, c'est le trait, c'est le virus qui t'infecte. Les yeux sont rivés sur moi, t'inquiète, tout ce que je dis n'écoute pas. J'suis un bec, j'suis un bec, t'inquiète, c'est le trait, c'est le virus qui t'infecte. Bam bam, bam bam bam. En vivant et en direct de Montréal, l'homme qu'on appelle Benji Neg Marron Bissona Bisso. Hey, celle-ci c'est pour la radio CISM, toi-même tu sais, ghetto érudit, on est là, non? Hey, le show le plus manque, toi-même tu sais. Hey, mettez-vous bien, restez branchés. Yeah, yeah. Encore une fois de plus, on prend d'assaut vos appareils. Les appareils de CISM jusqu'au cabaret. Peu importe la station, tu peux pas terminer l'émission sans rémission dans une forte prestation. Die and Sue apporte la préparation. Entrevue musique en continu sans séparation. Déclaration, le show le plus mang en ville arrive avec un soin contagieux, le monde en veut. C'est ghetto érudit. Yes. Yes, yes, bienvenue à l'émission Ghetto érudit, édition du samedi 26 février. C'est la nuit blanche à Montréal ce soir. Puis dans l'émission aujourd'hui, on a deux invités, en fait, deux gars qui vont participer à la prochaine édition des Word Up Battles. Ils vont venir un peu mousser le hype. Je m'en allais dire, on reçoit la crème des MC, mais en fait, ce soir... C'est un jeu de mots qu'il faut éviter. Ouais, c'est ça, faut l'éviter. Ce soir, on reçoit Wong Sifu et le rappeur qui Main qui Eventer. Sera, ouais, exactement, qui sera du Main Event de la 7e édition des Word Up Battles. On a Jeune Chili Chill qui sera dans la place à être. Puis, je vous invite à aller réécouter l'émission de la semaine dernière via le CISM893.ca. On avait Chris de 514 Smoke dans les studios. Bonne entrevue où on a parlé de l'industrie, des petites problématiques, comment réunifier l'Est et l'Ouest de l'île. Donc, allez voir ça. Puis, je vous invite aussi à aller lire le résumé de l'émission par notre boy Kaimani Jaime sur ghettoerudit.com. Toujours des bons textes. Puis, allez faire un tour sur notre site aussi. Il y a tout plein de trucs à voir. En même temps, cette semaine, on pourra en parler un peu plus tard pendant la chronique. Il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé dans le rap game. Bon, tu sais, des articles, des émissions de télé qui ont paru sur des ligues. Faut-tu vraiment parler de ça, man? Tantôt, ça pourrait être drôle, mais okay, bref. Okay. Les habitués de l'émission savent qu'on débute tout le temps avec des exclusivités anglophones ou des mix spéciaux. Cette semaine, bon, on revient à la formule originale du nouveau matos. Donc, beaucoup de nouveaux trucs, puisque ça faisait quelques semaines qu'on passait des mix... Des hommages à des gens qui nous ont quittés. Ce soir, on va débuter avec une nouvelle pièce de Lupe Fiasco. Son album Lasers, son troisième album officiel qui va sortir mi-mars à peu près. Je pense que c'est autour du 20 mars. J'ai pas la date par cœur. Et puis, Lupe Fiasco, c'est un de mes artistes préférés de la nouvelle vague. Donc, j'ai vraiment hâte et... jusqu'à ma présent, tous les morceaux qu'on entend de lui sont excellents, donc ça promet. Ce soir, on écoute la pièce All Black Everything. Ensuite, un autre artiste duquel j'ai vraiment hâte d'entendre du nouveau matériel et l'album au complet, Pusha T, du duo The Clips. Donc l'album Fear of God, qu'on, il n'y a pas encore de date officielle, mais on l'attend toujours. Donc la pièce My God qu'on va entendre ce soir. Okay. Ensuite, The Cool Kids, finalement leur premier album officiel va prochainement sortir. Il s'intitule When Fish Rides Bicycles. Et on a le premier single ce soir, Bundle Up. Et c'est assez intéressant parce que le label sur lequel ils vont faire paraître leur album, c'est Mountain Dew qui ont décidé de créer une filiale musicale. Et puis ouais, donc... c'est bien fou ça. Je sais pas, ils ont sûrement eu un supply de Mountain Dew Code Red, vu que ça existe encore, ça se passe. Aucune idée, je bois pas ça, moi, personnellement. Ensuite, bon, on va écouter Blue, un rapper américain qui est très, très dope. Il s'était surtout fait connaître pour son album en collaboration avec Mainframe, donc également avec Exile. Donc ici, c'est la pièce Amnesia, tirée du EP qui est paru la semaine dernière, Amnesia. Ensuite, Mac Miller, un artiste qui va être à Montréal prochainement. Une nouvelle pièce de l'artiste pour son album Best Day Ever, c'est la track She Said. Et puis, on va clore le premier bloc musical avec un groupe de la Californie qui a sorti son nouvel album qui s'intitule Arms and Hammers. C'est Strong Arms Steady, donc une formation qui comprend Crondon, Feel the Agony et Mitchie Slick. Donc, je vous offre ce soir la dernière pièce de l'album, When Darkness Falls, avec Marsha Ambrosius de Floetry. Et puis, c'est produit par DJ Khalil, a.k.a., selon moi, the hottest producer right now, peut-être à part Lex Luger. Donc, voilà, c'est le gros bloc avec lequel on va starter. Restez avec nous, John Chili Chill est déjà dans la place à être. Wong... Yeah. Wong arrive en courant aussi, donc les choses se passent à fond. Show le plumon, you know what it is. Sometimes you just gotta go. You never know who you could ever be. If you never try, you will never see. Stayed in Africa, we ain't never leave. So there was no slave in our history. Were no slave ships, were no misery. White man ain't fearing, so he did not destroy it. We ain't work for free, see they had to employ it. Built it up together, so we equally appointed. First 400 years, see we actually enjoyed it. Constitution written by W.E.B. Du Bois. When no reconstruction, civil war got avoided. Little black Sambo grows up to be a lawyer. Extra, extra on the newsstands. Black woman voted head of Ku Klux Klan. Malcolm Little dies as an old man. Martin Luther King read the eulogy for Ham. Followed by Bill O'Reilly who read from the Koran. President Bush sends condolences from Iran. Where Fox News reports live that Ahmadinejad wins the Mandela Peace Prize. You never know who you could ever be. If you never try, you will never see. Stayed in Africa, we ain't never leave. So there was no slave in our history. Were no slave ships, were no misery. Keeping it real's not an understood concept. Yeah, complexion's not a contest. Cause racism has no context. Hip-hop ain't got a section called conscious. Everybody rapping like crack never happened. Crips never occurred, no blood to attack then. Matter of fact, no hood to attack in. Somalia's a great place to relax in. Fred Astaire was the first to do a backspin. The Rat Pack was a cool group of black men that inspired five white guys called the Jacksons. Eminem fitted in, but then again, he inspired a black rapper trying to mimic him. And that's really Roosevelt of Michigan, a sign of white rapper by the name of 50 Cent. You will never know who you could ever be. If you never try, you will never see. Stayed in Africa, we ain't never leave. So there was no slave in our history. Were no slave ships, were no misery. Call me crazy, or isn't he? See, I fell asleep, and I had a dream. It was all black, everything. And I know know it's just a fantasy. I cordially invite you to ask, why can't it be? Now we can't do nothing about the past, but we can do something about the future that we have. We can make it fast or we can make it last. Every woman queen and every man a king. And when those color lines come, we can't see between. We just close our eyes till it's all black, everything. You will never know what you could ever be. If you never try, you will never see. Stayed in Africa, we ain't never leave. So it was no slave in our history. Were no slave ships or no misery. Call me crazy, or isn't he? See, I fell asleep and I had a dream. It was all black, everything. With paying homage to forefathers. See the future like the car show floor models. Both feet in the snow so that my core follows. We don't mourn for the dead, nigga, we pour bottles. Drown sorrows, ocean blue, Murcielago. Started with Similac powder in a baby bottle. Yeah, the formula is warning ya. Crack heels, offerings to the coroner. Kill my eldest brother, nigga, I be damned. Gator at my mama house, welcome to zombie land. A hustler's paradise, a lucky paradise. Down 40, but a streak will have you square by night. Didn't bat an eye at it, kept the poker face. Cause the batter eye at it had the coca base. When you get to heaven's door, they won't hold the space. If you numb like the flesh on a smoker's face, it's no feeling like your bitch chin chilling right. You in Italian leather and you four wheeling right. You know you up when you can count a quarter million right. And if you down, you can sling it like a pillow fight. I'm a wizard at it, nigga, here's the magic. Make a small town fill out through a blizzard at it. Get the green from the scale like a lizard had it. Bear witness as I unveil this instant classic. Yes, yes, my God. My God. My God. Yes, yes. My God. My God. Yes. Yeah, the second coming's in the second verse. The first coming's still here, so I need a hearse. I got a voodoo doll every time I pin the verse. Not only do they say they feel it, but they say it hurts. No pain, no gain, nigga. They say I'm heating up, welcome to the flame, nigga. No matter the success, still the same, nigga. I only change when the new body came, nigga. Aerodynamic, roof panoramic. My credit score let the dealer take full advantage. Paid over sticker price, cash underhanded. The old 12 a year early, I'm a time bandit. Gotta time manage when you heave in snow. Able to drop it all at 30 and be free to go. Only deal with divas, wanna need to know. And what you need to know is when you need to go. There'll be no waiting, I have no patience. This is the end for all my unrecognized greatness. I'm here now, nigga, pardon my lateness. You can hear in every bar and every cadence. Yeah, it's the new God flow, ain't it? The last supper for you niggas now repainted. Take position on the chessboard and rearrange it. Face to face with the truth, get reacquainted. Yes, yes, my God. My God. My God. Yes, yes. My God. My God. Yes. Punch of shit in. Told you that you could sit with the kids. Computer whiz, niggas still can't figure it out though. Got endo, got outdo, yeah. With cleaner clothes, cream low. Nissan Patrol with the Bose stereo. Yo, I dug holes trying to grow my seeds. I got plugged like the back of the screen, man. You got designs on the back of your jeans, man. They steaming, I'm cold as a lean cuisine. Coming fresh out the freezer, I'm clean to the Caesar. The only third grader in the school with a beeper. Clipped to the seams, front pocket of them Wranglers. My teacher took it from me, it's funny as he snatched it. Sleepers can't sleep if it's money in a mattress. A lot of niggas still running from they taxes and bills. We feel real, recognize each other, man. Damn, going ham, got it hotter than the mother. Bundle up, man, you gotta bundle up. I said you gotta bundle up. They said it's gonna be cold today. Sure. From the city of the frozen lake. Bundle up. Yeah, you gotta bundle up. I said you gotta bundle up. They said it's gonna be cold today. From the city of the frozen lakes. This glass is half full around here, home slices. Brand new additions, nigga, I can't wear that twice. Those don't look right. I can't wear it, you know. And I'm not just saying that to say it to those. Can't fit what we carrying in here and we won't. Get pulled over driving around with those, fam. Now let me pose for this photo. It's me standing out in the snow with my coat on, right? Well, that sounds appropriate. Means I'm getting hotter now, given how cold it's been out. And we the coldest been now. And that's honest, ironic that we the hottest that you've seen in a minute coming. And we ain't going green like global warming. But I do get that organic license only. Kind blood you only blowing out in California. Whole food shoppers with me, you know my partner's car. 92 Saab 900 with the spoiler. Away game, white baby blue, Houston Oiler. Mount Clemens, Michigan, Metro Detroit, residing in Chicago where it gets a little colder. Bundle up, man, you gotta bundle up. I said you gotta bundle up. They said it's gonna be cold today. Sure. From the city of the frozen lakes. Bundle up, man, you gotta bundle up. I said you gotta bundle up. They said it's gonna be cold today. From the city of the frozen lakes. Bundle up. Better get them thermals on. Bundle up. Better grab them goose downs, man. Bundle up. You gonna have to wear a ski hat for this one. You know what I'm saying? Bundle up, man. New York. Bundle up. LA. Bundle up. You get cold out there, man. Let's just go home. To have peace, serenity, teaching divinity, break bread, sipping the blood, eating with enemies, blind, pearl on my mind, thinking we finna be this, that, and the third, boy that I learned, tables turn, Billie Holiday burned down, to play when my nerves drown my folks away, swerving in the locomotive, far from my hopes and motives. Back to boasting at shows to get a standing note from all the fans I know want some of that sapphire, rapid fire soul stuff I used to hit them off with. But now I'm on some old pay the toll for the way I played the role. Cautious when I lace the flow, cause Pose think I'm paging codes. Patience grown thin, homesick and haven't been home since. Fuck a rapper, I'm an actor in the film called. Leave me the fuck alone till I find a real job. Busting chrome grills off at these soft-hearted breakbeats. Bouncing with 808s and gray ink. Blue heart, red skies, true art died in the heart of my mind. Kept trying to fulfill this blank script of realness, even if it kills this poet inside. With sympathy, tease to mimic me. Sunshine, every line you ever sent to me. Heaven sent, heavenly sent that later crippled me. Shit, simple men don't learn, where is your empathy? Couldn't see the fork in the road. Kept straight forward, straight towards the humble abode. We both hate more. Now that I fumble and fold it, that open letter said dead men walk and don't dream. You taped yours, and you told me I could rent it. Thought it was invented for my view and pleasure. Human error, the imprinting's turn teacher. Preacher turn learned God couldn't reach you. Just a facade, the main feature. Modified for blogs, podcasts, past. High definition, she laughed past the message. Now I'm guessing that the joke's on me, cause I'm the only one threatened. The wretched by the window sketching. Pencil mural of the method, don't sweat it. Techniques turning, burning incense. Listening to Billy burn my intent. Definitive days that turn my nights to fiction. Frictionless, just a pen trying to pimp distress. Cause I couldn't keep a lid on my life. Naive as the dry leaves on the ground. Looking past the tree to the blue sky, asking why me. Maybe if I were happier, my hair wouldn't be blown out. Life is short. I need to make the most of it. Today's the first day of the rest of my life. I need to turn my life. Hey, can you turn up a little bit? Hold up, yo, Will, your mom's calling. Can I ignore the call? I can ignore it? I'm feeling a little ill right now. And I don't mean ill like really cool and awesome. I mean like I'm coming down with a sickness. Aha! Alright, look. Hey, well I was riding this shotgun, speeding down the highway, listening to music, haven't slept in like 5 days. I tried taking a nap, lean my head against the window. It feels real, I swear to God, it should pretend though. Cause me, I get high, I make music for a living. If that ain't the best job, then give me your opinion. Cause I love life, chilling for the night, case of Bud Light. Small world for me, but you live a bug's life. Scared to chase your dreams, scared to take a risk. Think it's make-believe, so you hate this shit. Valentine, love it, grind me, you're the rubbish. You softer than a snuggie and you sweeter than a sun-kissed. Never eating beats on your thug shit. Come with all the swagger, but you lacking all the substance. Cool, the dude you used to wanna be in school. Spending money, drinking liquor, naked girls up in wake up pool. In my bed, getting hands, she says. She acts so cool, but she easily impressed. I let her lay back, watch her while she get dressed. Put herself together, last night was a mess. Yes. Today a new day, a fresh start. Fresh if you didn't fresh make mistakes, you wouldn't get far. Life get hard, so we get high. You ain't shit till you try. Hey yo, my herb smoke tasting like a nerd's rope. I'ma get rich so I can buy my bitch a fur coat. Something like a millionaire in training. Still my shit amazing. We jumping over puddles when it's raining. Planning on a tan, I'm in a sand. And we'll be jamming, make a bounce while we dancing on the clouds until I'm landing in my house. Remember when my moms would hate me standing on the couch. But now I'm making so much money, I start to lose count. I try and spend it quick, I got bills though. Yeah, I'm only 18, I got skills though. Beats, rhymes, life, trap called chill flow. You've been rapping 25 years and you still broke. No disrespect, bitches is the art. I'm just mad at all these haters who was bitches from the start. We do this cause we love it and it's setting us apart. We was already gone while you was only on your mark. Wake up in my bed, getting hands, she says. I act so cool, but she easily impressed. I let her lay back, watch her while she get dressed. Put herself together, last night was a mess. Yes. Today a new day, a fresh start. Fresh if you didn't make mistakes, you wouldn't get far. Life get hard, so we get high. You ain't shit till you try. Mitchy Slick, ain't a whole lot to say, man. You know, just, you know, gangster rapper's favorite rapper, you know what I'm saying? Man, this is Feel the Agony, strong arm, steady movement. It's a real powerful thing you're dealing with. Yeah, it's the albino. Crime Don Dizzaline, strong arm stays the gang. Feel the Agony, Mitchy Slick, and too many other niggas, the name is the same. I say it all the time because it's the truth. Get to it. Never gonna see the light. Got me asking why. up in my town. Treated like a nigga ran up in my house. Scandalous bitch trout, cut him out. Loose lips from running they mouth. Like they holier than thou, they should throw in the towel. Foul like a nigga that ain't there raising his child. And even worse, parents beating him. This is a cold verse. Tiger Woods playing for the whole purse. Niggas never get to see the light until they whole life. Flash right in front of their eyes to give them insight. This ain't really me, this is God with the pen right. The price ain't never right, but the lyrics always been tight. My niggas is the best in my eyes, they like Jigga and Nas. Biggie and Pop, your spirit still living even if your body physically dropped. I'm lyrically stocked with ammo, you playing Hollywood Shuffle. So where my people on the streets, so we never gonna see the light. Baby got sparked when it was a cool new drug of the 80s. Consequently, a heathen is heathen. And whatever he can get his hands on, he tries eating, he gives a fuck. If he OG, he's slipping, he chainless. And when he gets hung up pain, some D-boy ends up chainless. Trying to be like me in the name of Josh Nitty. 16 and hit a bank licking National City. YA taught him nothing, he parole to a dope spot. With plot to sell the cock of a BZ, just not genetically a criminal. His pop was a G for Lincoln, caught an L and 91 for leaving across the thinking. Family tree got riding loose with nooses on it. The man and his family think success is the colors producers on it. Confined to gang boundary line. In the blind, urban surviving the darkness, just waiting to shine. To all my people in the streets, so we never gonna see the light. Wonder why such a big war between the black and brown bangers with the windows down. Reckless retaliation only makes for a happy Caucasian. Industry criminal costs could skyrocket. More inmates manipulate ways to make profit. Had a dream the homie jump came home and broke even. Rask had his own street and wasn't thinking about drink. I think we roll the backwood up to keep cheap. While the mother gotta tell the little baby that she leaving all week to go strip in the club and make tips. It's better than flipping burgers. Easy way to get rich. My young ass had to quit. Every crime I committed, they snitches say the pale face did it. Most of my niggas is never gon' get it. Go ahead, get digits, I'll be the first to pay a nigga to visit. To all my people in the streets, so we ain't never gonna see the light. Monogrenade présente son tout premier album, Tantale, en magasin le 1er mars sur Bon Sound Records. Ne manquez pas le 6 à 8 de lancement qui aura lieu le jeudi 3 mars à la Casa del Popolo. Prestation à 19h, c'est gratuit. Premier arrivé, premier servi. Téléchargez gratuitement la pièce M'en aller au monogrenade.com. Une présentation de Bon Sound Records et CISM. Cet hiver, c'est la saison des rendez-vous du cinéma québécois du 16 au 27 février. Plus de 300 projections, des leçons de cinéma et des nuits hautes en couleurs. Procurez-vous votre passeport relève en pré-vente à la boîte Noire Mont-Royal ou remportez un passeport sur le site Facebook de CISM. Venez rencontrer ceux qui font notre cinéma. Toute la programmation au rvcq.com. Les rendez-vous du cinéma québécois, une présentation de la SAQ en collaboration avec Radio-Canada. Le 25 février, l'Omnium du Rock, Budweiser, est de retour pour un dernier combat. The Message, Les 8 Babins, Uncanny et Reckless Ride tenteront de se faire couronner champion de Montréal. Ne manque pas la grande finale de l'Omnium du Rock Budweiser ce vendredi au Café Campus. Visite omniumdurock.com pour plus d'informations. L'Omnium du Rock Budweiser, une présentation de CISM en collaboration avec le studio Coop CME et Steve's Music. 18 ans et plus. Lundi au vendredi à 18h, Isabelle, Guillaume, Catherine et Laurence, Catherine et Isaève vous donnent rendez-vous pour une heure de palmarès sur les ondes de CISM 89.3 FM. Et écoutez le premier palmarès de la semaine, le char de marge avec Noémie, tous les dimanches de 18h à 20h. Du dimanche au vendredi, ne manquez pas les émissions palmarès de CISM. C'est ISM. Yeah, yeah. Bon, on aime ça. C'est là que ça se passe. Et voilà, confirmé. Élaboré dans ses feuilles. Marie-Laure, Marie-Louise. C'est ça. Ça, sur les ondes de Voyons donc. Ah oui, la radio... Qui s'inspire des dieux grecs, qui fait sourire beaucoup, beaucoup. Selon moi, la meilleure... C'est ISM, la marge. Plein de bijoux là-dessus. Alors, ça va être du gros stock et de la programmation. Indéniablement infaillible. Le show le plus mort en ville se poursuit. Alors on monte le son, ça va être mental. Bonne écoute. Let's go. Les Breastfeeders sont de retour avec leur troisième album, Dans la gueule des jours, en magasin le 8 mars sur Blow the Fuse Records. Ne manquez pas le spectacle lancement qui aura lieu le 10 mars à La Tulipe. Les portes ouvrent à 20h, le spectacle débute à 21h. Billets disponibles sur le réseau Admission et à la billetterie de La Tulipe. Téléchargez gratuitement 400 000, le premier extrait sur lesbreastfeeders.ca. Une présentation de Bon Sound, Blow the Fuse, Boréal et CISM. Montréal, sa grande région. Je vous invite toutes deux chaque lundi matin de 7h à 9h à écouter mon émission à moi, complètement réalisée par moi, Martin Roussy, et j'ai nommé Le Manchot. Humour, humeur, opinion, sortie de disque, revue de presse, mettez yo-yo, imitation de Richard Martineau et le meilleur de la meilleure musique sont au rendez-vous sur les ondes de CISN 89.fm. Oublie pas, là, marque ça sur un petit papier au pire. Lundi matin, 7 à 9, CISM, Le Manchot. Écoutez CISM 89,3 FM. Vous êtes toujours à l'émission Ghetto Érudit jusqu'à 21h30 sur les ondes de CISM à Montréal. C'est l'heure de la chronique. Yes, la chronique. Bienvenue, Noëlla. Ouais, Noëlla qui est de retour de la fête du Canada. Dans un préparatif. Ouais, faisait une scène dans un vidéoclip mais aussi. Mais voyons donc, les gars, avec votre fête du Canada. Là, vous inventez des rumeurs à mon sujet. Puis, la météo, Noëlla. Là, c'est quoi? Il fait moins 10 aujourd'hui avec des vents modérés. Excellente condition pour une nuit blanche. Ouais, voilà, oui, la nuit blanche qui a lieu ce soir dans les rues de Montréal avec toute plein d'activités pour vous. Donc ce soir, pour ma part, je vous parle des Word Up Battles qui s'en viennent à grands pas. J'ai aussi des informations concernant une soirée open mic. Il y a Manu Militari qui donne un concert très bientôt. Puis, je vous ai déterré quelques pièces. En fait, j'ai amené une pièce de Cool Chen, puis une des Sages Poètes de la rue, puis un artiste de Montréal. En fait, je crois plus qu'il vit au Québec, mais il avait sorti un très bon CD à l'époque. Je parle ici de Lestat. Donc, j'ai ressorti une track de ce CD-là, puis on va le jouer ce soir. Yes! Alors, en fait, moi, je débute en vous parlant de la visite d'un rappeur originaire de la Nouvelle-Écosse, et j'ai nommé le rappeur Classified qui sera en spectacle à Montréal le samedi 2 avril prochain au Club Soda à partir de 19h. Alors, en première partie, il y aura un groupe originaire de Chicago qu'on nomme Kids in the Hall. Donc, en fait, il va être là à Montréal. Classified qui a sorti Self-Explanatory, un album en 2009 qui a quand même eu un certain succès au Canada. Et en fait, il y a un album à venir qu'on a nommé Handshakes and Middle Fingers. Alors, c'est prévu au courant du mois de mars. Il y a d'ailleurs un premier extrait qui est sorti, un premier extrait vidéoclip et audio qui est sorti d'Alain Classy. Alors, allez faire vos recherches pour Classified qui sera à Montréal au Club Soda le samedi 2 avril prochain. Yes, yes! Sinon, un événement qui continue à faire du bruit, c'est les Word Up Battles. On est rendu à la 7e édition. Ça aura lieu le 18 mars au Bain Mathieu à Montréal. Je vous suggère fortement d'aller vous procurer vos billets parce ouais. que vous voulez pas faire le line-up à cet événement-là. Ça s'envole vite. Ça s'envole vite. On attend quelque chose comme 500 personnes à chaque événement. Donc, cette fois-ci, il y a une grosse carte. Justement, on en a parlé un peu dans les dernières semaines. Le main event, cette fois-ci, c'est Jeune Chili Chill contre Card. Jeune Chili Chill qui est en ce moment dans nos studios. On va lui parler un petit peu plus tard dans l'émission. Sinon, d'autres battles. Wong Sifu contre Freddy Grossum. On a Booyah contre Hosty One. Samuel Moussif contre Maybe Watson. Puis on a Donnie S de France, un battle international qui vient affronter Syme du casse-croûte. Donc, gros événement le 18 mars. Puis, justement, ça continue de faire jaser. D'ailleurs, aujourd'hui, il y avait un article dans la presse, qui parlait des hors-concours et tout ça, du phénomène. Puis, on en parlait hors d'onde tantôt, mais il y a eu un petit scandale cette semaine avec une sous-ligue, si on veut, parce que c'est un phénomène à travers la province. Puis dans d'autres villes, ils ont créé leur propre ligue. Moi, j'appelle ça des sous-ligues, mais il y a la gang de Just Spirit dans le coin de Gatineau qui ont créé une petite controverse, justement. Les gars ont eu une entrevue dans une émission de Radio-Canada à la télévision, okay. où ils parlaient de leur événement. Puis, dans le fameux reportage, on voyait des images, justement, des Word Up et non de Just Spirit. Puis, les gars n'ont pas fait mention nulle part des Word Up qui ont grandement influencé leur mm-hmm. ligue, si on veut. Mais ils faisaient mention de toutes les autres ligues à l'international, que ce soit les Rap Contenders en France, les Grind Time et tout. Mais jamais ils ont fait mention des Word Up. Puis, en plus, par rapport à la perception des gens, c'est qu'ils ont aussi parlé des 500 personnes par événement et le million de views. En fait, c'est un peu triste, mais bon, les gens ils se sont accaparés les mérites de la ligue originale qui est les Word Ups. Puis bon, c'est ça, insinuant qu'il y avait des millions de hits sur YouTube, ainsi que des salles remplies avec 500 personnes et plus. Donc, une information nécessaire qui n'a pas été... un travail de recherche très... Oui, de la part de l'émission, entre autres, qui n'ont pas donné les crédits à Word Up pour leurs images, mais aussi aux deux gars qui sont grandement influencés. En fait, ils ont pris toute la structure Word Up et l'ont amené à Gatineau. Mm-hmm. Écoute, on n'est pas là pour bâcher sur ces gars-là. Ils font un événement pour leur région. C'est des jeunes entrepreneurs, si on veut. Il y a un effort qui est mis. Puis bon, ça fait le bruit que ça fait dans leur région. D'ailleurs, les gars, ils sont allés s'excuser à la radio dans une émission d'Ottawa. J'ai eu l'occasion d'écouter ça, une émission de nos collègues à Ottawa. Bon, les gars se sentent super mal parce qu'ils se font attaquer de tous côtés sur Internet. C'est quand même fou. Mais bon, si vous voulez aller voir ce qu'ils font un peu, aller découvrir leur tête d'affiche, c'est la ligue Just Spirit. Puis sinon, pour revenir au Word Up Battles officiel, il y a notre boy Filigrane qui en ce moment est dans la grande région parisienne parce qu'il est parti justement faire un battle là-bas dans la ligue Rap Contenders. Puis, affronter un adversaire français. Hier, c'est quoi? C'est ouais, je crois que c'est hier, parce que bon, les commentaires ont sorti sur Internet. On sait pas s'il a gagné ou quoi que ce soit. Faut attendre la vidéo. Mais il paraît que c'était une très belle édition, que le talent a augmenté là-bas. Puis je crois même que Lo Pesci était dans le secteur, ouais. a donné une petite prestation. Donc, écoute, le Québec est à Paris en ce moment. C'est quand même dope. Je vous invite à aller à rejoindre la page Facebook des Rap Contenders. Donc, Rap Contenders, faites vos recherches sur Facebook. Il y a toutes les infos qui sortent et de vidéos. Donc, Sinon, allez faire un tour pour toutes les informations officielles. C'est wordup-battles.com. Puis d'ailleurs, dans les prochaines semaines, il y a les vidéos de Ghetto Rudy vont commencer à apparaître aussi sur le blog. Et on va recevoir les artistes de la ligue pour venir créer le hype autour des battles. Et je vous rappelle que ce soir, on a Jeune Chili Chill et Wong Sifu qui vont venir talk trash de leur adversaire. Non. Talk shit contre leur adversaire, carrément, man. C'est un battle, donc... Tous les coups sont permis, presque. Word up! Tant que ça reste sur le micro. Ouais, voilà. Voilà. Alors, moi, je continue en vous parlant d'une soirée à ne pas manquer le vendredi 25 mars prochain au Club 1234. Alors ici, je parle du party de lancement, le 10e anniversaire du Ride Shakedown. Alors, quand on parle du Shakedown, on parle ici d'une compétition sport des neiges, entre autres surf. Donc, ça a lieu, comme je disais, le 25 mars prochain à partir de 23h au 1234. Et comme artiste invité, on a Smith & Wesson qui sera dans la place. Alors, nous a quand même visité et est quand même venu souvent à Montréal. C'est des habitués. Oui, des habitués. Alors, ils vont être là. Donc, les billets sont en pré-vente au coût de 10 $. sinon à la porte au coût de 15$. Alors, je vous invite à aller faire un petit tour sur les sites internet suivants, soit le www.empire.com. Vous avez également le www.rideshakedown.com. Sinon, le 1234montréal.com. Vous pourrez acheter vos billets au coût de 10$ en pré-vente. Sinon, mais en fait, on part en musique pour vous, les gens qui nous écoutent à la maison, en voiture, peu importe, trois pièces. Alors, on commence, en fait, on va partir en musique avec l'artiste Future. C'est un artiste originaire de la Rive-Sud de Montréal. Alors, on a la pièce Styling featuring J-Rida ainsi que J-Dot. On aura également Nexayo avec leur pièce Chanceux. Tiré du Nexayo.com et leur Nexayo Friday Night Live. Donc, allez checker ça. Et on commence le tout avec l'artiste Frenchy Blanco qui sortira son album Galactique qui sera disponible partout au Québec à partir du 1er mars prochain. Alors, j'ai la pièce pour vous, Hip Hop Life, qui en fait est tirée du film également Bomb Rush qui sortira très bientôt sur vos écrans. Donc, on est à l'émission Ghetto Érudit sur les ondes de CSM. La création. Ghetto. Yeah. Okay. La création est faite. En 1977, je sors du ventre de ma mère, il faut que je jette. Le père aussi, je me dis, il était pas prêt. Avant, je l'avais sur le cœur, mais aujourd'hui, je suis correct. Anyway, on passe à l'acte de 84. L'année où l'hip-hop s'est infiltré dans le chat. À 86, c'était l'année, je te le dis. Ma vie, c'était Run DMC, BDP. Pendant la récréation, du break à plomb, des grosses sessions sur des planches de carton. 87, 88, EPMD, Cool Moody, Public Enemy. Les jeunes achètent, c'est rendu une business net. C'est tout ce qui joue dans mon tape deck cassette. Ma life. Je te dis c'était ma life. Hip-hop life. Bienvenue dans mon hip-hop life. Bienvenue dans mon hip-hop. Bienvenue dans mon hip-hop life. Bienvenue dans mon hip-hop. Bienvenue dans mon hip-hop life. Bienvenue dans mon hip-hop. Bienvenue dans mon hip-hop life. Yeah. Je déménage dans l'ouest. Je te parle de 89, oublie les kids on the block. Maintenant c'est cool rock, MRF sur le sentier. Lumière sans m'allumer, Montréal sans map. Un jour que je rappe était une pensée. À 90, je rentre au secondaire, j'ai appris vite de venir avec des gars t'es vite. 91 jusqu'à 93, on dirait tout le monde mettait leur linge à l'envers. Ça finit là quand Biggie Smalls a drop. Quel choc, ça a vraiment changé le hip-hop. 95, Wu-Tang change la game. Je me fais donner des tapes tournantes, ça tombe bien. Je m'achète un mixeur chez Radio Shack avec le single Flavor in Your Ear de Craig Mack. C'est là que j'écris mon premier texte. Diamond D, Diamante, Frenchy commence à rapper. Écrire ses textes, les nuits j'ai passé. Tu te rappelles 98 en train de battle. Mathématiques, dramatiques dans le sous-sol. L'an 2000 jusqu'en 2010. Viens voir tous mes sacrifices, j'ai dit 2000 jusqu'en 2010. C'est à cause du hip-hop qu'aujourd'hui j'existe. Hip-hop life. Bienvenue dans mon hip-hop life. Bienvenue dans mon hip-hop life. Bienvenue dans mon hip-hop. Bienvenue dans mon hip-hop life. Bienvenue dans mon hip-hop. Bienvenue dans mon hip-hop life. Semaine numéro 8. On a reçu du bon feedback jusqu'à présent, you know? So je me suis dit, finissons le mois en beauté avec un autre track pour les femmes. Rest in peace, Bad News Brown. verse trop bien, comment ça chat. Yeah, ça j'aime ça, check. Elle s'approche et m'offre un verre. Avec ce genre d'approche, pour de vrai, j'ai pas choix de me taire. Et commencer à admirer, qu'est-ce que je viens d'attirer. À travers la foule, une telle beauté. Elle me dit, je suis son genre de type, je me sens flatté. On s'échange des mots comme si on n'a rien à se cacher. En 2011, c'est plus juste les gars qui font les premiers pas. Pour certains, on est considérés comme des proies. C'est clair qu'on n'a pas peur de mordre à la passe. La conversation est courte, c'est parce que t'en as pas. Un turn off pour elle. Fait que tu viens de manquer un bois. Une reine, c'est ce qu'elle veut quand elle est à côté d'un roi. Yeah. Elle est venue dialoguer à un beau parolier. À tout distinguer, un soir bien coté. Regarde dans ses yeux, elle ne peut désister. Ses envies pour et ils sont en train de suffoquer. Son oxygène, elle a besoin de respirer. Son psychologue, elle a besoin d'en parler. Son cœur sur les vagues, elle a besoin d'accoster. Elle caresse mon orgueil. À chaque mot qui se part, son âme se défeuille. Elle fait sa coquine, son innocence s'habille. Elle essaie de me convaincre que de elle je suis gris. Grâce à mon teint foncé, tu vois pas quand je rougis. Oh oh, let's go. Demain je pourrais disparaître comme les expos. Mais t'inquiète, je t'enverrai un texto. Aujourd'hui ma meuf, demain ma exo. XO, je t'aime donner des becs. J'ai l'impression que tu plantes comme ça à tous les mecs. Un peu sketch, mais je prends ce qui vient avec. Des heures de plaisir, tu me fais gémir. Et je reviens toujours quand tu fais ce que je désire. Et mes rêves t'inspirent, même quand je veux fuir. C'est quoi me dire? Undo. None of you, pitch black, raspin' a nigga with an attitude. Shorty loves my touch, I'm lighting up her iTunes. Your boy's a Mac, she's on my lap, we so compatible. I won't fail, I'm on that must I state of mind. I'ma drop bombs like Israel, blow up like Palestine. Columbine, if you go against mine, I'm sure to make a killing. I'm criminal minded, you cats been reminded. Revise your assignments, I'm Curtis Jackson. To you rappers, I'm a problem. I switched up my status, I ain't talking about Facebook. I'm bound for success, Vinny Vintage, that's a great look. Styling with my brown vanilla, we so proper. Craving for that cream, we on that Betty Crocker. Living up my dreams by any means, I'ma prosper. Pitch black rap, spit a nigga coming at ya. Yeah. Yeah, hate the player, hate the game. I just do it cause I gotta. I see them watching through my Gucci shades. But I ain't got the time, I tell them holla. Cause I'm about a dollar. Try to stay correct and real, real proper. Yeah. I used to be wilder, but life has sure as hell been good. to Yo. Me I came to shut it down for a minute. Never hate the player, hate the game that he's playing. I'm past that new era, everyone trying to fit in. Copying my style, biting up, dog, forget it. Haters yapping, a lot of bullshit in their loud mouth for what they know about. Counting money in his stash house, buying out the bar, credit cards getting maxed out. If sky's the limit, I be laying on a white cloud. They all wanna support but can't carry you. Cruising through the city in my Chevrolet Malibu. Hard in the paint, driving the baseline. Hallelujah. Hand off the quarter, want some change, here's a caribou. Got the formula, your fellas tweak like a Marilla. Heavy test, I pass it through an A like an Acura. Hand me the mic, I run the show, I'm spectacular. We'll catch up later, since Billy Yo's Mr. Popular. Can't hate the player, hate the game. I just do it cause I gotta. I see them watching through my Gucci shades, but I ain't got the time, I tell them holla. Cause I'm about a dollar. I try to stay correct and real, real proper. I used to be wilder, but life has sure as hell been good to me. Life is what you make, yeah. Life is what you make, yeah. Are you gonna leave or to take it? Life is what you make it, life is what you make it. Are you gonna leave or to take it? Life is what you make it, life is what you make it. Are you gonna leave or to take it? Life is what you make it, life is what you make it. Are you gonna leave or to take it? Can't hate the player, hate the game. I just do it cause I gotta. I'm watching through my Gucci shades, but I ain't got the time, I tell them holla. Cause I'm about a dollar. I try to stay correct and real, real proper. I used to be wilder, but life has sure as hell been good to me. D'entendre la pièce de l'artiste Future, soit Styling featuring Jay Ryder ainsi que Jay Dot. Alors en fait, cette pièce-là, c'est en vue d'un EP qui va sortir bientôt, qu'on nomme Protocol. Donc allez checker ça. Checker son site internet, soit le www.de-future-is.com. Alors là, vous aurez toutes les infos, biographies et autres trucs de l'artiste. Sinon, on avait chanceux du groupe Nexio, de leur concept Nexio Friday Night Live. Donc allez checker leur site internet également, le www.nexio.com. Et juste avant, on avait Frenchy Blanco avec la pièce Hip Hop Life de l'album Apparaître Galactique, qui sera disponible partout au Québec d'ici le 1er mars. Alors aussi, on a un lancement qui aura lieu au Radio Lounge à partir de 21h avec DJ Manifest, DJ Blast sur les platines et performance de Frenchy Blanco. C'est gratuit et sachez que vous pouvez également vous procurer l'album en pré-vente sur le site Amazon. Donc sérieux, je pense que c'est un gros projet qui s'en vient pour Frenchy B qui sera dans nos studios la semaine prochaine. Yes! Alors sérieux, checkez ça. Tant qu'à dévoiler la semaine prochaine, il va y avoir également Sa Majesté l'Intrus qui va être dans la place pour présenter un peu tardivement, mais sûrement, son street tape Désintox. Et en même temps, il va sûrement nous donner le time sur son premier album officiel que ça date. Là, ça date. Fait un bon bout là, que les gens attendent ça. Donc, stay tuned la semaine prochaine. Ça va être aussi mal. Word. Sinon, pour son nouvelle, d'ailleurs, je m'en allais plugger une news, mais le gars, il débarque dans les studios comme What ça. Up? J'étais surprise. Freak Stewart dans la place. Ça va, man? Ça va très bien, toi? Oui, bon, oui, vous, hein? Oui. On se vous voit, mais... La politesse. Parle-moi donc du Cypher Night Open Mic. C'est ouais, quoi ça? C'est une petite soirée que j'organise le 12 mars au Café K.O. L'adresse, c'est l'adresse par cœur? 2031 Saint-Denis. Exact. J'ai fait 36 shows là-bas, à peu près. Ouais, non, c'est ça, mais moi, je m'en... c'est une soirée open mic, donc il n'y a pas de set, aucun... Enfin, il va y avoir des artistes, mais aucun set déjà préétabli. J'ai un DJ, il va faire... spinner les instrumentales, tout le monde est invité à venir spit soit des textes ou freestyle, sous verre, puis les MC vont avoir de la bière gratuite, c'est intéressant pour ça. Super, as-tu déjà quelques noms qui t'ont confirmé leur présence? Ah, il y a beaucoup de monde, mais allez juste sur l'événement Facebook, vous allez voir là. Puis sinon, tes mixtapes, ça s'en vient. Je sais que t'as plusieurs projets, là. T'as un site internet aussi. On peut plugger ça peut-être vite fait. Ouais, non, ça j'ai deux mixtapes qui s'en viennent, le 15-23 mixtape 3 et 4. Le volume 3 est en anglais, le volume 4 est en français, les deux drop le 20 avril. Free download, ça va être partout, HHQC, HH Franco, Latpif, tout ça. Super. So, ouais, non, c'est le... Non, je vais arrêter. Donne pas de date? Non. 15-23.com. Ouais, 15-23.com pour tout ce qui est nouvelles aussi, pour Crooks, Paranoise. C'est ça. Perfect. 420, j'imagine que c'est pour les raisons obvious que je me doute. Quelle raison? Ben, c'est l'heure de sa naissance, man. Ah, ok, ouais, c'est ça. Non, il n'y a pas de référence à rien, je sais pas de quoi tu parles, man. Non. C'est quoi cette herbe que je vois qui dépasse de ton pantalon? Un sac. Non, c'est pas vrai. Yo, t'es pas mature, man. Hein? T'es pas mature. Alors, ben, sur ces lignes que je ne comprends pas trop, ben, en fait. Ouais, Noëlla, elle manque de street knowledge. 4h20. Ouais, c'est ça. Tu t'apprends ça sur Google. Ah, ok, je viens de comprendre la chose derrière ça. Non, le volume 4 va être host par Shalik Maïd, pour ceux qui connaissent le personnage, donc ça va être très intéressant à ce côté-là. Word. Alors, ben, en fait, le mardi 29 mars prochain au Belmont, à partir de 17h, on aura droit au lancement de l'album du groupe 13e étage. Donc, leur album T'inquiète, avec une vidéo qui est quand même disponible, la vidéo T'inquiète featuring Chachou. Alors, dès le 29 mars prochain, l'album sera disponible en magasin. Alors, la clique vous invite à leur lancement qui aura lieu au Belmont le 29 mars prochain à partir de 17h. Sinon, finalement, je termine en vous parlant d'un nouveau label, là, d'un DJ quand même très en vogue au Québec. Je parle ici de Poirier qui a sorti un nouveau label, soit le Also Records. Alors, en fait, le label qui, avec comme premier artiste de... On pourrait dire signé à la limite. Là. On parle ici de l'extrême zen avec son rigodon Ziggyza, Ziggyzy. Alors un rigodon qui a fait beaucoup parler de lui lors de l'Igloo Fest finalement devant près de 10 000 personnes. Alors Poirier qui a décidé sur ce label-là de mettre des artistes qu'il aime, des coups de cœur, des pièces. Alors on risque de retrouver quand même des gens dont il aime et qui ont fait de choses vraiment cool. Alors comme premier artiste, comme je disais, on a l'extrême zen. Alors c'est à surveiller. Si vous voulez aller voir de quoi ça a l'air, tout ça, allez faire un tour sur le www.alsorecords.bandcamp.com. Vous avez là la pièce de l'extrême zen que vous pouvez télécharger. Et quand on parle de Poirier, on parle du carnaval qui a lieu en ce moment. Ben, en fait, à partir de 21h30, je crois, au Club Soda. Oui, les portes à 21h30. Oui, les portes à 21h30, donc dans le cadre du carnaval. Et aussi, un autre show qui a lieu au Métropolis. On parle ici, je pense qu'on fête les 10 ans de Bande à part. Donc, ouais. Ouais, les 10 ans de Bande à part. Alors ici, on a Karma Chica, ainsi que son Ben de Consequence qui seront là et tous plein d'autres artistes. Ben, tant que... Ça, il y a We Are Wolves. Il y a un groupe assez mythique qui va faire un retour ce soir sur scène. On parle ici de Groovy Aardvark. Ouais. Je suis sûr qu'il y a des anciens fans de rock. Non, t'es tout seul, man. De, hein? T'es tout seul, man. Bah, it's all good, man. Tu me déranges, man. No pun intended. Je te dis que t'es dérange. Alors, ben voilà, je pense que l'équipe de Ghetto Érudit risque sûrement d'aller faire un tour. On va aller trasher à soi. À ces deux endroits-là, au Métropolis et ainsi qu'au Club Sona, avec le Carnival de Poirier. Et en fait, je pense que Impost risque d'être là. On a également... Bougat. On a également l'extrémiste Zen qui risque de performer sa pièce, son rigodon. Sinon, je rajouterais à ça qu'après le show de Bande à part, il y a Pompe tes pipes, les oui. DJ Funky Fuzz et son acolyte qui vont faire la fête au Métropolis jusqu'à 6h du mat. Donc, pour les gens qui sont très allumés, non pas Nintendo encore, et les gens qui fêtent tard, ben, t'sais, vous en aurez... Ça sera la place. Ouais, définitivement. Allez. En plus, il fait froid dehors, fait que... Ouais, c'est ça. Je vous ai quand même fait mon topo météo tantôt. On se rend tout au carnaval après l'émission. Yes! Voilà. Sinon, bon, vous savez, l'émission est diffusée à partir de Montréal, mais on a quand même un bon rayon. L'émission est diffusée jusqu'à quoi? Je pense que c'est quelque chose comme 50 kilomètres autour de Montréal. Puis j'ai reçu un courriel de quelqu'un qui me disait « Hey, vous pluguez jamais les shows à l'extérieur de Montréal? » Je fais mes recherches, puis bon, je vous annonce que Manu Militari sera à Brossard le 9 mars. pour tous les gens de Brossard. Je sais qu'on est écouté dans ce coin-là, fait que je vais plugger le show. Ça se passe au Centre d'art, la petite église, avec justement les gars du Casse-Croûte et les Érudits du Mike. C'est un show all ages. Donc, les gens du 450 Manu Militari débarquent dans votre secteur. On va partir avec mon bloc musical. Cette semaine, je vous ai amené trois pièces. Un track de rap lourd, je dirais. Je vous ai amené un classique du rap français, puis un artiste de Montréal qui est un peu disparu de la ville, si on peut dire. Je pense même plus qu'il habite au Québec. En fait, j'ai ressorti une pièce de Lestat qui avait été rec chez Hotbox avec Nabo, qui s'appelle « On est des MCs ». J'ai déterré aussi une track des Sages Poètes de la rue qui s'appelle « On inonde les ondes ». Mais on commence le bloc avec une pièce de l'album « Crise de conscience » de Cool Shen avec Blacko. Donc, on s'en va avec Eldorado sur les ondes de CISM. Sur le terrain, j'ai vu les boss et les parrains tomber de haut un par un. J'ai entendu les plaintes, puis les pleurs, les cris, les craintes des gens qui, comme moi, l'insystème, frère, n'en ressentaient que les trains. Je voulais la vue sur la mer, mettre à l'abri ma mère, essayer de voir si par hasard ailleurs l'ambiance est moins amère. Je voulais pas croire que c'était permis pour moi, c'était pas permis. Ça m'a juste donné l'envie de faire un bras d'honneur à la Zermine, frérot. Je suis déter, j'ai refusé que le ghetto puisse me faire l'effet de l'éther sur mon cerveau d'ado. J'ai pris la vie par le manche pour ressembler à mes héros. Sans une once de revanche, je rêve de l'Eldorado. Lâcher le béton, tous ces horizons bouchés. J'ai mis côté le périph' pour pouvoir voir le soleil se coucher. J'ai dû quitter ce bordel, même tout seul en charter. Je voulais découvrir le monde, ouais, quitte à dormir par terre. J'ai bougé, l'esprit libre sans boussole. Et puis j'ai navigué à vue, sans mes soucis et loin des sous-sols. J'ai séquestré mon destin dans la soute du bateau. J'ai mis des menottes à la poisse, conscient que mon quartier subissait l'embargo. J'ai donc dû tenter ma chance à fond, au fond mon rêve, moi je l'ai fait tout seul. Des ghettos de Brooklyn, à ceux du Bronx, esprit ouvert et ça depuis tout jeune. Je veux rester le capitaine de moi-même, quitte à défoncer des murs. Et je verrai bien où les vents m'amènent, s'ils pensent toutes mes blessures, frérot. Même en chien, fallait que je parte, que je voyage. Pour pas cher et sans car cher, fallait que je fasse le nettoyage. Le périph' était l'unique vision que j'avais de l'horizon. J'ai donc refusé que mon quartier devienne ma propre prison, frérot. Depuis tout petit, je suis déter. J'ai refusé que le ghetto puisse me faire l'effet de l'éther sur mon cerveau d'ado. J'ai pris la vie par le manche pour ressembler à mes héros. Sans une once de revanche, je rêve de l'Eldorado. Yeah. Oh, ouais.

Cadillac tard le soir. Mais pour l'instant, plus underground que moi, tu t'as. J'apporte la chaleur dans le game comme le mois de juillet. Plus le monde nous dit, plus on a envie de proof. C'est le moment propice, le moment de faire des moves. On est des artistes, donc on a payé des 12. MC vend des 10, donc il va attirer des bouses. On est des MCs, alcool, oui, des sexes. Des MCs qui parlent de leur vie dans leur texte. On fait en sorte que les cracks restent d'eau. Parmi nous, y'en a peut-être qui ont du cash, mais la plupart restent broke. Nos rounds sont infinis, tu chasses, c'est ta destinée. On veut tout ce que ça marche, mais on n'est pas aux États-Unis. On est juste comme toi, on aime les kicks, c'est le dos. Mais ce qui compte le plus, c'est les beats et le flow. So, on est des MCs, oui, des sexes, alcool. On parle la vie dans nos textes, mais on est des MCs. Juste comme je comporte, comment on parle, comment on se comporte. Écoute, on est des MCs, oui, des femmes en studio. Donc on évite les drames parce que on est des MCs. Noir ou blanc, homme ou femme, on rap tout le temps. Écoute, c'est l'hymne des MCs, mes lignes sont précises. Ma voix, c'est mon empreinte et je signe de mes skills. Et quand je suis sur un mic, y'a qui m'arrête. Man, j'ai toujours un beat dans la tête. Écoute, même sans rock, man, j'te jure, man, j'ai le shit en moi. Pas de joke, man, j't'assure, man, il vit en moi. On est des MCs, certains d'entre nous sont les femmes. D'autres font ça juste pour le cash, juste pour les dames. C'est fucked, mais c'est comme ça que c'est. Parmi nous, d'autres vont rester underground, d'autres vont connaître le succès. Faut juste que tu saches ce que t'as à faire. Et même s'il y a pas de cash qui rentre pour l'instant, faut que tu persévères. C'est par nos bouches que s'expriment des milliers de jeunes. La seule bonne raison de prendre le max, c'est si c'est le fun. J'ai pu devenir un MC, mais reste real. Et c'est rare comme une femme nette qui a du sex appeal. Mais oh, on est des MCs, oui, des sexes, alcool. On parle la vie dans nos textes. Mais oh, on est des MCs. Juste qu'on est, je comporte, comment on parle, comment on se comporte. Écoute, oh, on est des MCs, oui, des femmes en studio. Donc on évite les drames parce que oh, on est des MCs. Noir ou blanc, homme ou femme, on rap tout le temps. Yeah, let's start, Yes, yes, c'était le stat, on est des MC. Juste avant, c'était les sages poètes de la rue, classique, on inonde les ondes, puis on a commencé le bloc avec une pièce de Cool Chain, collaboration avec Blacko, Eldorado, tout ça sur les ondes de CSM à Ghetto Érudit. On est avec nos invités, on vous en a parlé en début d'émission. Les gars, présentez-vous, parce que vous voulez pas que je dise vos vrais noms, ça a l'air. Non, il y en a un des deux, ça les dérange. Moi, c'est Xavier Constant, vous me connaissez, je suis la crème du rap québécois. La crème du rap québécois. Moi, c'est Liu Kang de Mortal Kombat. Je fais des finishing ou des animality, man. Je me transforme en dragon. Et en arcade aussi, je sais pas si tu te rappelles. Yo, dans man. Dans Mortal 1. Je connais, man. C'est real recognize real, man. Donc, les gars, vous faites partie de la carte de la 7e édition des World Up Battles. On est la carte de la 7e édition. Tu es, justement, tu fais partie du main event contre Card, mm-hmm. puis Wong Sifu contre Freddy Grossome. C'est qui, ça? T'as pas fait tes recherches, man? So, je pensais même pas que j'allais battle. Moi, j'allais juste être là pour... Là, je viens de me rendre... Oh, shit, je battle un gars qui s'appelle Freddy Grossome. Je pensais que c'était moi qui battle Freddy Grossome. Moi, je m'emmenais de voir, man, dude. What the fuck? So, les gars, est-ce que vous êtes prêts? C'est le 17 mars. Ah, man, full prête, man. Full prête? Full prête. Puis comment, c'est quoi, ça représente quoi comme charge de travail pour les MC, ça, les Word Up? Ben, en fait, c'est assez facile, tu sais. Je me donne à peu près un mois pour m'assurer que pas mal toutes les femmes de la famille de mon adversaire, c'est des salopes. Puis une fois que je me suis assuré de ça, ben le reste, ça s'écrit tout seul, tu sais. C'est chaud. Il y a des oreilles qui doivent filer en ce moment sur la rive sud. Puis, non, sinon, Chilly Chill, t'es quand même, t'as été sous-estimé, vraiment sous-estimé. La dernière édition est arrivée quelque chose d'assez scandaleux, on pourrait dire. L'histoire, la fameuse histoire de la tarte, je pense que tout le monde est au courant. C'est la première fois qu'on t'a dans les studios depuis l'incident, si on veut. Tes commentaires par rapport à ça, trouves-tu, ça l'avait-tu sa place, cette histoire-là? Était-tu bonne? Était-tu bonne? Yo, c'est drôle parce que, tu sais... j'ai senti goûter sucré pendant vraiment longtemps. Ben bon, et après ça, tu faisais par les filles, oh, t'es full sweet, t'es full sucré, tout. Fait que t'es comme, hey, it's all good, man. Mais non, pour vrai, ben tu sais, c'est clair que ça n'a pas sa place, là, un truc comme ça. Là. Puis surtout, tu sais, venant d'une gang qui se la joue un peu tough des fois, puis qui jouait les... tout le long de la soirée, là, avant même que le battle soit commencé, il y avait plein de monde qui venait jouer à faire de l'intimidation avec moi. Okay. Comme si j'allais... Tu sais, je me suis fait huer par 200 personnes fucking avant Oxmo. Fait que penses-tu vraiment qu'une tarte à la crème et une couple de gars de la Rive-Sud qui jouent au tough, ça va me faire peur? Je veux dire, tu sais, ça prend plus que ça pour m'intimider pour ouais, de vrai, ouais, tu sais. Fait que déjà que les gars, ils ont joué au tough toute la petite soirée, pendant le battle, là, ça essayait d'intimider puis tout. Puis le best qu'ils ont arrivé à faire, c'est une tarte. Puis je veux dire, moi, je suis un clown. Dude, moi, je serais arrivé avec des matraques, nunchaku, des ninjas, man, qui t'auraient... Yo, étoiles chinoises, man, quelque chose de même, je sais pas, man. Après le battle, man, bloop, man. Mais tu sais, je veux dire, en plus, c'est qu'entarter un clown, c'est un stupid ass move, tu sais, parce que... Moi, je suis mad down avec l'entartage. Mais comment ça? Est-ce que t'es sûr que c'est lui, man, qui a envoyé son guerrier tarteux, man, on the spot? Est-ce que t'es sûr que c'est lui, man, le chevalier tarteux, man? Yo. Dude, moi, je suis pas sûr. Je sais pas, mais je suis comme... Tu sais, une ligne sur la table. Moi, je suis comme direct dans le milieu, man. Je sais pas te dire. Chevalier tarteux all the way, man. Non, mais tu sais... Real talk, tout le monde s'est fait fouiller à l'entrée. Ouais. Qui n'était pas. Les seuls qui sont pas fait fouiller à l'entrée, c'est les gens de l'organisation. C'était les participants. Et c'est les gens qui avaient des tables de merch ou whatever. Donc, c'est obligatoire que la tarte a été rentrée par quelqu'un qui était d'une manière ou d'une autre dans l'entourage large de l'événement de la soirée. On dirait que vous parlez d'un gun, man. Ouais, ben, c'est ça qui est drôle, c'est qu'en bout de ligne, c'est rien qu'une fucking tarte, tu sais. Mais je veux dire, moi, je pense que eux ont eu l'air plus fous avec la tarte que moi, j'ai eu l'air fou avec la tarte, tu sais. En bout de ligne. Ça, ouais, ce que j'allais dire aussi, c'est que, tu sais, entarter un clown, ça sert à ça, à être entarté. Ça fait que tu vas pas insulter un clown en l'entartant. Tu vas insulter une personne normale en l'entartant. Tu vas insulter un homme politique en l'entartant. Tu vas jamais insulter un clown en l'entartant. Ouais. Il est là pour ça. C'est à ça qu'il sert, man. Yo, man, c'est fou, il est en feu. Il est en pleine fleur. Yo, le micro, il tombe, man. Donc, un truc que je voulais dire, c'est respect à toi, man, d'être resté là puis d'être revenu après l'incident pour venir accepter le jury. T'as pas sauté dans le tas non plus, je veux dire. Il y a bien du monde autour de la table. Je crois que le premier move qu'il aurait fait, c'est sauter sur le gars. Le nombre de gens qui m'ont comme écrit sur Facebook ou qui m'ont dit en personne, genre, yo, si j'avais été toi, j'y aurais collé une assise de volée, ta. Mais ça, tu sais, de la même manière que je trouve que pour eux, c'était pas un bon look d'envoyer quelqu'un m'entarter, ça aurait pas été un bon look pour moi de coller un coup de poing sa gueule au gars après, tu sais. Ouais. Dans le sens que, je veux dire, en gardant mon calme, ça l'a montré un peu. Mon étoffe, ça leur montrait un peu que je suis pas quelqu'un que tu peux intimider, que je suis pas quelqu'un que tu peux blesser en quelque part. T'sais, je veux dire, tu peux rire de moi autant que tu veux, ça me fait pas mal, ça me fait pas peur. T'sais. T'es mature, man. Oh, sur le coup de l'émotion. Pas même plus mature que l'autre avec son 4h20 tantôt, man. Sur le coup de l'émotion, on t'a dit, juste pour ça, je viens de gagner le battle. Ouais. Pour moi, qui a regardé ça sur place et à la maison, c'était quand même serré. C'est une décision controversée. Est-ce que crois-tu que ça aurait dû avoir lieu un rematch? Une deuxième... Non, il n'y a pas de rematch. Il n'y a pas de rematch. Parce que j'ai dit ce que j'avais à dire. Je veux dire, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai rien vraiment à rajouter sur ce que j'ai dit dans ce battle-là. Fait que ça serait pas bon pour moi de faire un rematch. Je veux dire, ça m'apporterait rien, tu sais. Okay. C'est drôle parce que l'affaire de... T'sais, comme tu dis, j'ai dit... Mais... Si il met 1000$ ou quelque chose, là, tu sais, je veux dire, pis de l'argent, là, qui fait débrider un Chinois, là, tu sais, je veux dire, what? Moi, je regarde le cash, mes yeux, ils débrident, là, ils deviennent ronds, là, tu sais. Moi, j'aime mieux regarder vers l'avant, tu sais, fait que le battle continue. Ok, t'as pas répondu à ma question. Moi, je suis simple, puis je mets 1000$ on the spot, on the dot, right now, là. T'es pas simple parce que je te trouve quand même un peu sympathique. Puis de deux, si simple voulait mettre 1000$ pour me rebattle, on en parlera en temps et lieu, mais je veux dire, moi, a priori, c'est pas quelque chose qui m'intéresserait un rematch, tu sais. Puis c'est drôle, en plus, tu parlais de, tu sais, que j'ai dit ce que j'ai dit sous le coup de l'émotion, parce que, tu sais, justement, c'était sous le coup de l'émotion, puis c'est un peu un blur, tout ce qui est arrivé juste après la tarte, là, ça a comme un peu viré fucked up dans la place. Puis moi, je me rappelais que t'allais parler à la caméra, mais j'ai tellement talk it shit après le battle, je me rappelais plus que j'avais dit à la caméra, que j'avais dit au monde, que j'avais dit à la foule, que j'avais dit à eux autres, tout ça. Puis là, quand j'ai revu l'affaire, puis après ça, le monde était comme, yo, le gars, il dit lui-même qu'il a gagné juste à cause de la tarte, nanana, puis le monde a commencé à talk shit là-dessus, tu sais. Non, puis anyway, ça m'a fait rire. Comme j'ai dit, respect à toi d'être resté là, t'étais quand même, on peut dire que t'étais tout seul, eux autres étaient 48 supporters dans le crowd. t'as fait ce que t'avais à faire, puis... C'est ça mon style, tu sais, je me fais huer au lieu de me fâcher, je reste là, puis je continue ce que je fais. Je vais juste dire quelque chose là-dessus, moi, j'étais en arrière de toi, yo, c'est Jean-Joël en passant. Ouais, yo, Jean-Joël, JJ, c'est the house! Moi, j'étais en arrière de toi, puis j'étais à l'entour de moi, il y avait des petits culs avec des chandails du casse-croûte qui criaient chili chili à la fin du battle, man. Sans voilà, man. C'est ça qu'on fait, man. Tu sais, c'est un bon battle. Yo. Là, tu t'en lignes pour Card. Ça, comment ça s'est organisé, ça? C'est lui qui t'a call out? C'est toi qui l'a call out? C'est... Non, c'était une idée de Filigrane, en fait. OK. Filigrane t'a appelé, t'étais down avec le concept. Yo, quand Filigrane m'a appelé, j'étais down avec le concept, man. C'est clair, man. D'ailleurs, je pense que c'est la première line de chacun de mes verses. Quand Filigrane m'a rappelé pour une troisième fois, j'étais toujours down avec le concept. Mais non, c'est ça, c'était une idée à Philly. Je pense que en fait l'idée, c'est qu'à cause du battle de Sime, j'ai comme monté en grade, si vous voulez, dans la hiérarchie Word Up, tu sais. Ouais, ouais. Puis Card est vu comme par beaucoup comme un des soi-disant meilleurs MC dans la ligue Word Up, malgré qu'il y ait juste un battle. Ouais. Yo, fait qu'ils n'auraient pas pu mettre Card tout de suite contre un Obia ou contre un Jamai. Fait qu'il faut qu'ils l'envoient contre un Cav avant. Fait que c'est moi le Cav en question. Attends, moi, juste pour voir l'affaire, moi, je vois ça comme un film. Ils ont comme envoyé un soldat, entre parenthèses, Sime contre Chili Chill. Là, Chili Chill, il l'a comme cassé. Puis après ça, tu sais, comme dans 300, quand il amène la brute avec la grosse chaîne, c'est Card, ça, man. La grosse. Mais yo, ça commence un peu ressemblé à, tu sais, dans les films de Kung Fu, quand t'as genre le gars tout seul, puis là, il y a vraiment comme 4000 Chinois qui arrêtent pas de sortir de partout, puis que le gars, il est obligé de péter tous les Chinois un après l'autre, là. Bref, c'est moi, ça j'ai, que mis, essayer moi faire, j'ai mis là. 500 yens sur Card. Mais comme ça, si Card est à l'écoute, as-tu un message pour lui? As-tu un message à lui adresser? Non. À ses supporters? Ben, ses supporters, ils peuvent manger de la marde. Mais ouais, Card lui-même, ce que j'ai à lui dire, je vais lui dire le 18 mars, là, okay. Puis t'inquiète, il va bien l'entendre, là. Puis toi, Wong, monsieur Samouraï, yo, Long Taiso, Fong Ling Song Lei, sans joke, Freddy Gruesome, j'ai beaucoup de respect envers ce dude-là. J'ai vu tous ses battles, puis je vois que ce gars-là, il est fucking bon pareil. Mais chose, son dernier battle, il était comme vraiment pourri, mais vraiment, yo, il a perdu, mais il était vraiment pas bon. Il a perdu, là, tu sais, contre. En tout cas. Anyway, bref, je veux juste assurer que ça va être son battle le plus tough. Ça va être son battle. Il a rien vu, là. Il a rien vu. Attends, s'il a perdu son battle le plus facile, t'es peut-être pas mieux d'y offrir son battle le plus tough. Tu vois ce que je veux dire? Ben, c'est comme ça que. C'est comme une tarte d'en face, man. C'est comme. juste ça que je veux. Mais toi, c'est ton premier battle. Oui. On me donne Freddy Grosso. Moi, j'étais comme. Oh, OK. Whatever. Mais c'est la première fois que t'étais approché pour les Word Up? Moi, je pense pas. Hein? Vous voulez que je parle vérité, là? Vous voulez que je... Okay. C'est parce qu'il était supposé avoir un match dans le temps, là. Au Word Up 3, j'étais supposé de battle contre Cédric, CDRK. On en a parlé, une shit, et tout le kit, puis tout était set up and shit, mais il n'y a pas eu lieu. Cédric qui a appelé puis en dernier moment puis il a dit qu'il pouvait pas battle. Je pense que c'est à cause du travail ou quelque chose, mais ça fait comme un mois qu'on avait set up le battle puis il devait le savoir là, man, comme il aurait pu. Non, en tout cas. Tu peux drop ton premier. Il travaille de nuit en plus. Puis tu sais, je comprends pas pourquoi il aurait pas pu être. Puis le désert pour Wong, c'est fou. Mais ça va-tu se faire un jour ça? Cédric? Je sais pas. Pour vous dire la vérité encore, Word Up said, je voulais battre au Cédric. J'ai envoyé un message à Cédric, mais Cédric, il a pas respond. Fait qu'on m'a donné le jeune singe, là. T'sais, je veux dire, moi, je suis comme, je voulais le vieux singe, mais le vieux singe, il dit rien, il me répond pas. Fait qu'on me donne le... singe. De la même manière qu'on m'envoie un chevalier à tarte, toi, il t'envoie le singe de service, man. Allez, gars, on va partir avec une pièce, puis on a un bloc de publicité à passer. On revient tout de suite après, mais je crois que tu nous as emmené une pièce ce soir. Yeah, man. Parce que, tu sais, je peux, ouais, man. Je fais pas juste battle rap, tu es un gars occupé, man. Je fais plein de projets. D'ailleurs, t'es booké aux 14 prochaines saisons franco. Ouais, c'est ça. Je suis très occupé. Une des prochaines affaires qui s'en vient, c'est un nouveau mixtape, 130 livres de Realness, volume 1, Haters Edition. C'est pourri! et le volume 2 Lovers Edition qui va sortir un peu après. C'est donc, je vous ai amené le premier single du premier volume, la chanson titre 130 livres de realness. Pow! Boom! Bra! Mon cœur, mes couilles, mes deux mains, mes deux pieds, mes deux yeux, mes deux fesses. Si mon âme c'est le canon, mes paroles en sont les douilles. J'ai juste 130 livres de business. Comment 130 livres, 130 livres, plus mince que 1000 pages, prise en 130 livres. Dieu merci, j'ai pas eu à vendre de la drogue pour vivre. Quand je dis que je pèse 130 livres, c'est que je pèse 130 livres. Ça c'est plus vrai que vrai. On me dit de prendre ce chill, mais je suis déjà plus près que vrai. Je frappe sur les 5 coffrets, c'est sûr que ça fait de l'effet. Pour faire un best-of de mes tracks, ça prendra 20 coffrets. Tu veux me vaincre, frère, mais je donnais rien que fait. Fait qu'arrête de fake, fuck, avoue que t'as faim. En effet, c'est rendu fou, fait que je fais le bout en train. Si je me fais blou le bambou, tu vois un bout en moins. Des livres de muscles, vraiment bien plus en cœur. 0 g de gras 30, plein nutriments essentiels. Chaque jour, j'ai 10 litres de sang, un autre 10 litres en pleurs. Puis au moins 25 de plus, juste en sugar qui est du sel. Je dois avoir genre 60 litres pour mon cerveau à lui seul. Puis il me reste juste le poids de mes couilles pour me garder au sol. Sinon là, je m'évaporerais comme tout l'une bombe à aérosol. Mais seulement continuer à rap, il faut que vous fermiez vos gueules. Ici, c'est real city, ça ressemble pas à vos dreilles. Mais vie, c'est pas un long fleuve tranquille, je suis pas Daniel Auteuil. J'ai déjà votre plat dans le temps, il a vécu 2-3 gros deuils. Fait que dorénavant, vous allez voir me regarder de mes treuils. Je vous donne 130 livres de viande tendre, je m'apprête à mettre 130 livres sur une meuf. Pas de stress, il me reste 130 livres pour les vendre. Tu me tèches, je te laisse 130 livres de pur bœuf. Fuck off. Fuck off. Fuck off. Fuck off. Comment t'informer sur tous les concerts qui ont lieu à Montréal? Une seule référence, Camus. Le seul magazine gratuit dédié uniquement à la musique. Pour découvrir toujours plus de concerts, va sur camuse.ca ou profite de la version mobile m.camuse.ca. Avec Camuse, c'est dans la poche. Magazine disponible dans les présentoirs Pop Media. Monogrenade présente son tout premier album, Tantale, en magasin le 1er mars sur Bon Sound Records. Ne manquez pas le 6 à 8 de lancement qui aura lieu le jeudi 3 mars à la Casa del Popolo. Prestation à 19h, c'est gratuit. Premier arrivé, premier servi. Téléchargez gratuitement la pièce M'en aller au monogrenade.com. Une présentation de Bon Sound Records et CISM. Cet hiver, c'est la saison des rendez-vous du cinéma québécois du 16 au 27 février. Plus de 300 projections, des leçons de cinéma et des nuits hautes en couleurs. Procurez-vous votre passeport relève en pré-vente à la boîte noire Mont-Royal ou remportez un passeport sur le site Facebook de CISM. Venez rencontrer ceux qui font notre cinéma. Toute la programmation au rvcq.com. Les rendez-vous du cinéma québécois, une présentation de la SAQ en collaboration avec Radio-Canada. Le petit nouveau entre, paye son entrée, la passe à l'aveuglette, qui lui remet la rondelle, se dirige vers le bar et voit la serveuse. Et oh! Pénalité! Pour bâton trop élevé. Ce match est présenté par l'ESCO. Ne manquez pas vendredi, Disablers et Grand Trine. Samedi, Free Love, Fenner, Mavo et Expo 67. En troisième période, toujours égalité, le guitariste qui s'avance, il surprend l'adversaire, il s'élance et il boit! 44-67-11-5! No. Tú y yo sabemos lo que sufren los muertos que se van con deudas. Yo no me voy a morir, vea. No. Beautiful, le nouveau long métrage d'Alejandro González Iñárritu, présentement en salle. Le brillant réalisateur qui nous a donné Babel, 21 grammes et Amores Perros propose un suspense mettant en vedette nul autre que Javier Bardem. Vivez un voyage douloureux au cœur du quotidien d'un homme, dans les rues d'une Barcelone sombre et intraitable. Beautiful est en nomination aux Oscars pour le meilleur film étranger et le meilleur acteur, Javier Bardem. Beautiful, présentement à l'affiche. Le 25 février, l'Omnium du Rock Budweiser est de retour pour un dernier combat. The Message, les 8 babins Uncanny et Reckless Ride tenteront de se faire couronner champion de Montréal. Ne manque pas la grande finale de l'Omnium du Rock Budweiser ce vendredi au Café Campus. Visite omniumdurock.com pour plus d'informations. L'Omnium du Rock Budweiser, une présentation de CISM en collaboration avec le studio Co-op CME et Steve's Music, 18 ans et plus. Les Breastfeeders sont de retour avec leur troisième album, Dans la gueule des jours, en magasin le 8 mars sur Blow the Fuse Records. Ne manquez pas le spectacle lancement qui aura lieu le 10 mars à La Tulipe. Les portes ouvrent à 20h, le spectacle débute à 21h. Billets disponibles sur le réseau Admission et à la billetterie de La Tulipe. Téléchargez gratuitement 400 000, le premier extrait sur lesbreastfeeders.ca. Une présentation de Bon Sound, Blow the Fuse, Boréal et CISM. Écoutez CISM 89,3 FM. Malade, c'est comme ça que je me sens quand je suis malade. Je suis pas à 100% trop malade. Beaucoup plus qu'avant, je suis malade. Dehors comme un tata, ben malade. Docteur, j'ai besoin d'un check-up. J'sais pas c'est quoi le fuck que j'file. Il faut bien que j'te wong. Fait que ça se peut que c'est le virus vinyle. Mes symptômes, j'fais tout le temps de la fièvre. J'arrête pas de tousser, je demande revanche. J'constipé, j'constamment tout le temps en train d'essayer chier. J'te le dis que ça va pas quand j'suis dans cet état-là en vie. Pas pour mon gars dessus, tu pues, te chauffe, te frette, etc. Oh, mal la tête me poigne. Dans ma tête c'est comme un gars avec une masse qui cogne. J'viens vert comme Olga qui se met en rogne. Sauf que moi c'est quand j'suis malade, c'est pas des blagues. Je saute pas ce que j'ai parce que c'est vraiment vraiment plate. D'être tout accolé au lit comme un veg. Pour que ça sorte parce que là j'capote. Docteur, j'ai vraiment besoin d'un antidote. Malade, c'est comme ça j'me sens quand j'suis malade. J'suis pas 100% trop malade. Beaucoup plus qu'avant j'suis malade. Dehors comme en t'entend, ben malade. Complètement malade, malade. C'est agaçant pis quand j'suis malade. J'suis comme un mort vivant trop malade. Que je suis là, je suis malade. Or comme en tout temps, ben malade, ben ben malade. Yeah. What's up, fucking l'antidote, doc, yeah. Telle fois que je te consulte, pis je t'entraîne de virer fucking mal avec des pilules, doc, yeah. Tu sais quelque chose que tu peux bien m'injecter? À bien y penser, je suis plus sûr, je déteste les piqûres. Pis si tu me dis qu'il y a quoi qu'il faut que tu me foutes dans mon ass, y'a mon foot dans ta face. Pis je te dirai que c'est vraiment pour vous, c'est comme un spasme. L'autre jour, j'étais en train de faire de quoi? Du sport, je filais bien, pis je filais mal. À bien y penser, je filais pas pantoute. J'étais vraiment poqué, fucké, en train de jouer au hockey. Je me suis fait plaquer, un moment donné le gros m'a ramassé. En plus, si je faisais fret, la grippe m'a rattrapé. Je te le dis, doc, je fuck top. Faut que tu changes la prescription, prescris pas donc du pot. Let's go, away, come on, doc, m'a donné une cote. Malade, c'est comme ça je me sens quand je suis malade. Je suis pas 100% trop malade. Beaucoup plus qu'avant, je suis malade. Dehors comme en t'entend, ben malade. Complètement malade, malade. C'est agaçant, puis quand je suis malade. Je suis comme un mort vivant trop malade. Tellement que je suis là, je suis malade. Dehors comme en t'entend, ben malade. Ben, ben malade. On demande Wong Sifu à la salle H pour une complete examination. Yo! Yeah. Yo! Sifu, il vomit dans le gutter. Word to the mother. Hells yeah, j'pousse le diagnostic like butter. Real doctor, homie, j'te prescris des pills, mais j'te check pas. Donne-moi 500, puis viens voir si ça marche pas. Word baby, vive la médecine, it makes money. Feel funny, viens me voir, puis j'te vends quelque chose comme promis. Sick bastards wanna see me. They smoke Philly dans ma face, puis ils toussent comme le won't see. Come on, this shit right here is not funny. Oh no, maybe I'm wrong, mais il me semble que j'chante the same old song. Mes honoraires sont scaha. J'suis tight, you can't deny it. Motherfucker, prends tes pilules, paye-moi pis beat it. You feel this? Yo, écoute, j'suis open for business. Double JMD, deep scanner MC. Fuck, si t'es down pour la médecine holistique, I get down jusqu'à ce qu'on banish pour malpractice. Come on. Malade, c'est comme ça j'me sens quand j'suis malade. J'suis pas 100% trop malade. Beaucoup plus qu'avant, j'suis malade. Dehors comme en t'entend, ben malade. Complètement malade, malade. C'est agaçant pis quand j'suis malade. J'suis comme un mort vivant trop malade. Tellement que j'suis là, j'suis malade. Dehors comme en t'entend, ben malade. Ben, ben malade. Les gars, je suis bête trop high, man. Je peux pas vous suivre, man. Come on. J'ai mis mes choses pour aller avec ma chemise. Avec ta chemise? Ouais, ma chemise qui ressemble un peu à une blouse. À une blouse? Mais ma blouse match avec ma casquette grise. Ta casquette grise? Ma casquette grise qui fout avec mes shoes. Avec des shoes. Yo, on s'en calisse de qu'est-ce que le monde nous dit. On fait pas semblant, on reste nous-mêmes. On agit sans aucun savoir-vivre. Mais on parle pas de bataille, fait que c'est quoi le problème? Bat par-dessus, bat par-dessus, bat par-dessus, bat par-dessus, par-dessus, par-dessus, par-dessus, bat par-dessus, par-dessus, bat. Fuck that, tu blasses bien plus que pété, fait que pardonne-moi si je me répète. Fuck that, tu blasses bien plus que pété, fait que pardonne-moi si je me répète. Plus chaud qu'un pot, plein de Cayenne. Je donne tout de love qu'une maman italienne. Je l'ai comme Lil Wayne quand il a fait Dian. Même mon rastaman dit que je suis dans le Saiyan. Des jeunes chill utile avec Wong, c'est fou. C'est vrai que ce serait chill, mais pas aussi fou. J'aime le beat, il cogne hard, il t'a pris off guard. Mais t'as jamais fait leur vibe aussi. Hey yo, les buds, there's no doubt, on feel the vibe. Hey yo, les buds, there's no doubt, on feel the vibe. Buds, there's no doubt, on feel the vibe. Buds, buds, there's no doubt, on feel the vibe. Hey yo, les buds, there's no doubt, on feel the vibe. Hey yo, les buds, there's no doubt, on feel the vibe. Je feel alright, je suis tight sur le mic, man. Moi, t'as pas de qui, c'est le bon, c'est le coup. J'suis chill et chill, l'autre bord de ma ville, man. Moi, t'as pas de qui, y'est déjà chez vous. Gros cigare, démarre de superstar, pas à l'heure. Tout le temps en retard, pas stress, non. Fais-le comme nous, fais-le pas comme toi, fais-le c'est tout. Moi, t'as pas pourquoi, sors de chez vous. Ouais, t'es pas capable, t'as mal au cou, man. T'es pas capable d'avoir la fin, t'es comme ben trop mou. No doubt, shit, Rap sur le bon son, y'a pas de pression, pis Mélange la boisson, on se casse et t'as ton bilan, L'aide est ta maison, plus de pantalon, suction. Pas stress, pas tout, fais la vibe avec le beat, chili, chili, c'est avec le son, t'es je débarque avec l'équipement. J'suis confiant, on est content, tout de bas, t'as ma gamme, qu'on se l'argent. Va shipper, moi, c'est un mouvement, tu files notre vibe et nous maintenant. Pas stress aussi, t'es arrogant, on se pas méchant, on se prête à maman. Pis si tu chies sur la clique, avec qui ici, on chill, pas stress, j't'explique tout de suite comment t'as l'air d'un fucking imbécile. Bon, si fou, pis le jeune chill est chill, fucking intense comme un contenu real. Dans ta ville, c'est nous fil, tout le monde sait que ma contenu est chill. Hey yo, les buds, there's no doubt, on feel the vibe. Hey yo, les buds, there's no doubt, on feel the vibe. Buds, there's no doubt, on feel the vibe. Buds, there's no doubt, don't feel the vibe. Hey yo, your buds, there's no doubt, don't feel the vibe. Hey yo, your buds, there's no doubt, don't feel the vibe. Buds, there's no doubt, don't feel the vibe. Buds, there's no doubt, don't feel the vibe. Yeah, yeah, yeah! Jeune Chili Chill et Wong Sifu de retour à Ghetto Érudit, le show le plus mong en ville. C'est ISM 89.3 FM. Donc, qu'on vient d'entendre? On vient d'entendre Feel the Vibe. Yeah. Un excellent morceau du dernier album de Jeune Chili Chill, Chillage Extrême. Yeah. Qui est toujours disponible. C'est disponible, je pense que l'adresse est jeunechillichill.bandcamp.com. Okay. Vous pouvez passer aussi par le label numérique avec lequel on a signé pour cet album-là, Lazy at Work. Shout out à Lazy at Work. Donc, je pense que c'est lazyatwork.com tout simplement. À partir de là, vous avez le lien pour aller acheter l'album, écouter les tunes, etc. Il est pourri cet album-là, man. Juste avant, on avait écouté la pièce Malade avec la participation de Jean Joual, qui est également dans la place à être. Puis qui est, la toune est également pourrie, soit dit en passant. Jean-Joël, il est pourri là-dedans. En fait, Jean-Joël est popé quand même. Le mixtape avec la faute la plus flagrante de l'année, ça vient avec du riz. Donnez-moi un S, donnez-moi un T, I don't give a fuck, je mets un X. Mais bon, on peut te pardonner. Puis que, bon, t'es voulu ça, même. T'es allophone. Exactement. C'est pas sa première langue, le français. Là, comme j'aurais pu mettre des K, puis des doubles S, puis des E, des F, des H. T'as même pas mis le bon gars sa pochette. On dirait un petit chinois de marde de dépanneur. T'as tellement fucking raison, man. Je suis comme, what the fuck? Who the fuck is he? Pour les gars. Puis juste avant, on avait entendu la pièce exclusive 130 livres de Realness, le premier single de ton prochain mixtape. Yeah. Ce tune-là, ça fait un bout, je l'ai fait en show déjà, mais c'est la. Ça fait pas longtemps que je l'ai enregistré, puis c'est la première fois qu'elle joue, là. C'est une grosse exclusivité. Là, wow, est-ce que je devrais me sentir super content ou je sais pas. Non, je savais pas que t'allais être là. Mais maintenant, si on revient à vos carrières respectives, bon, justement, tu prépares deux mixtapes qui vont sortir en même temps ou... Non, ça va sortir en étapes, en fait. Là, je dirais, là, début avril, probablement, je vais sortir 130 livres de Realness, volume 1. Haters Edition. Oh. Donc, ça fait longtemps que je suis là, que je suis gentil, je suis chill, puis que le monde me font chier. Fait que toute l'agressivité build-up que j'ai un peu que j'ai accumulé depuis un bout, ça sort sur le volume 1. C'est comme quand tu vas faire caca, là. Oh, yo, c'est un sale gros caca que je vais sortir là, man. En tout cas, je vous dis ça de même. Pochette folle, soit dit en passant. Tout, mais, en tout cas, vous allez voir ça va être fucked up. Ensuite, on sort l'album de NSD avec le band live. D'ailleurs, là, on est en ce moment, là, on est au niveau du mix. On a pas mal tout enregistré. Puis on a parti un projet sur le site kickstarter.com. C'est un site de donation pour aider les projets artistiques et créatifs de toutes sortes. Donc, vous pouvez aller checker sur le kickstarter.com, taper NSD. On cherche des donations pour finir le mastering de l'album. Et il y a des préventes, il y a plein de prix. Vous pouvez recevoir plusieurs disques des productions NSD. Si vous mettez un certain montant, on peut même jusqu'à faire un show chez vous. Wow, pour vous et vos amis. Salon. Dans ton salon. Mais bon, ça, c'est un certain montant quand même. Là. C'est pas pour... Moi, je vais en mettre. Mettons, un pauvre comme Card pourrait pas payer pour qu'on aille faire un show chez eux. T'sais. Mais je veux dire, il y a peut-être certaines personnes ici qui seraient capables de le faire. Un lancement chez La Fleur, peut-être? Peut-être chez La Fleur, il pourrait faire un lancement. Ou moi, je vais en mettre du cash. Vous allez faire un show chez moi, puis je suis sûr que ça va être fucking pourri, man. Yo, c'est qui l'a invité, cette fille-là, tabarnak? Fait que c'est ça. Début juin, je devrais sortir l'album avec NSD. Et puis, une fois que la tempête va être passée, tout, là, je vais sortir le volume 2 du 130 livres de Realness, là, probablement en septembre. Ça, c'est le Lover's Edition. Donc, toutes les gens que je vais avoir aliénés avec mon niveau de haine ultra élevé dans le volume 1, vont pouvoir se rassasier sur le volume 2. Les demoiselles en particulier devraient grandement apprécier, je pense. Puis sinon, à exception du main event du Word Up Battles, est-ce que tu as des événements qui s'en viennent, des spectacles, on peut te voir sur scène? Non, parce que vraiment, ces temps-ci, je suis vraiment dans une période de studio, d'écriture, de création, de vraiment plus à ce niveau-là. Donc, j'imagine peut-être cet été, on va essayer de faire un show ou deux, soit en solo, soit avec NSD. Là, je veux dire, NSD, on sort quand même notre album en juin, fait que c'est clair qu'on va... On va essayer de présenter ça sur scène le plus vite possible parce que c'est vraiment sur scène qu'avec le band live, ça prend tout son sens. Là. Mais moi, personnellement, les shows, ces temps-ci, j'ai rien de prévu. Là. OK. Sinon, Wong Sifu, yo. Ton projet ici, il a tourné pas mal à l'émission. Sur quoi tu travailles? Je crois que tu es en studio aussi. Pour l'instant, moi aussi, je suis comme tout le temps en studio. Je suis en train de travailler mon truc à moi et mon groupe. C'est la première fois que j'en parle. The pas... Wongs? Wongs Sifu, il y a un Wongs groupe Brothers. De rap. Man. Moi, j'ai un groupe, man. On est comme trois rappers. C'est tout ce que je peux dire. Là. Comment ça s'appelle? Aucune fucking calice. Oh, j'ai une sacrée. Non, aucune idée de ce que... C'est comme en branle, mais on a comme 3-4 tracks de rec déjà, mais c'est fucking fire. Est-ce que c'est feu? Ben, je sais pas, c'est qui est dans ton groupe? Fire. C'est quoi qui est dans ton groupe? Personne le sait. Toi, personne tu connais le groupe, toi? Oui, t'as entendu des tracks? Ben, ah oui, c'est vrai, tu connais. Parce qu'il n'y a pas de micro, d'eau. Donc, si on veut écouter ta musique, ça se passe où? T'as une page internet? Dès que la neige va fondre, vous allez entendre du nouveau, c'est C'est sûr, sûr. Je vais dire fucking sûr, mais je veux dire carrément sûr, sûr. C'est sûr. Donne des noms, là. Qui va avoir avec toi? C'est quoi le groupe? Il donne même pas d'exclusivité. Ah, ouais, OK, d'abord. Il va avoir Ludacris, Busta Rhymes, il va avoir Jay-Z. Mais tu sais, c'est tout ce que je peux dire jusqu'en ce moment. Fait que ça va être comme les 12 singes, finalement. Ah, c'est plus que 12 singes, man. Voyons donc, arrêtez. Les trois monks. Hey. Non, mais sérieux, non, je suis en train de faire mon deux affaires en même temps. C'est un groupe et mon truc à moi. Puis je vous le jure, ça va être un fucking délire total. Ça va être comme ah, yeah, j'ai jamais entendu ça. C'est donc un fucking plate, man. Exactement, tu vas juste arrêter. T'arrêteras juste pas d'en parler tellement que c'est plate. Je veux juste dire quelque chose. Vas-y. Si je me base sur ce que j'entends aujourd'hui. Si jamais Wong Si Fu il vous dit à propos de quoi que ce soit que c'est bon, ça doit être fucking excellent parce qu'il a vraiment l'air de tout trouver fucking plate. Je me hate moi-même, ben justement, dans toute cette veine de hating, on va passer une tracks. On en a parlé, je pense, un peu plus tôt dans la chronique de Noëlla. Tu pourras nous dire si t'aimes ça ou si t'aimes pas ça. J'aime pas ça. C'est justement la pièce avec l'extrémiste zen qui a repris un classique québécois, le Zigizah Zigizi Rigodon. Ensuite, on revient, puis bon, on va vous forcer à rapper un peu. Là. C'est freestyle ou bien paystyle, parce que sérieusement, ça fait tellement longtemps. On est vieux, là. Fuck les freestyle, paystyle style. Enfin. Moi, je sais pas, mais ça a l'air que je sais pas rapper, fait que c'est pour vous, là. T'sais. On check ça quand on revient. Word up battle. J'm'en vais dans un battle pour les tuer des MC Ziggyza Ziggyzi. J'm'en vais dans un battle pour les tuer des MC Ziggyza Ziggyzi. Un battle de tapette, beaucoup de poussées MC Ziggyza Ziggyzi. Fake en haut, fake en bas, face à si, face à pète. Pète sa face et fait sa fight et Ziggyzi Zaza et t'es crampé, haha. Son petit portefeuille, moi y volé. Son petit portefeuille, moi y volé, Kema. Son petit portefeuille, moi y volé. Son petit portefeuille, moi y volé, Kema. Un battle de tapette, beaucoup de poussées MC Ziggyza Ziggyzi. Un battle de tapette, beaucoup de poussées MC Ziggyza Ziggyzi. Voici le disrespect, même sa pleine en face, Ziggyza Ziggyzi. Fake en haut, fake en bas, face à si, face à pète. Pète sa face et jack ses fesses, Ziggyzi Zaza et t'es crampé, ha ha. Son petit portefeuille, moi volé, moi vidé. Son petit portefeuille, moi volé, Kema. Son petit portefeuille, moi volé, moi vidé. Son petit portefeuille, moi volé, Kema. J'suis prêt à mettre 5000 contre nos coups y vont, Ziggyza Ziggyzi. J'suis prêt à mettre 5000 contre nos coups y vont, Ziggyza Ziggyzi. Que me donneriez-vous donc, qu'il vous aime si préféré, Ziggyza Ziggyzi, fake en haut, fake en bas, face à si, face à pète, fait sa face et fait sa fight, et Ziggyzi, Zaza, et t'es crampé, ha ha. Son petit portefeuille, moi y volé. Son petit portefeuille, moi y volé, Kema. Son petit portefeuille, moi y volé. Son petit portefeuille, moi y volé, Kema. Que me donneriez-vous donc, qu'il vous aime si préféré, Ziggyza Ziggyzi. Que me donneriez-vous donc, qu'il vous aime si préféré, Ziggyza Ziggyzi. Qu'il est toujours, après ça nous verrons. Ziggyza Ziggyzi, fake en haut, fake en bas, face à si, face à pète, pète sa face et fait sa fight. Et Ziggyzi Zaza et t'es crampé, ha ha. Son petit portefeuille, moi y volé, moi y vidé. Son petit portefeuille, moi y volé, Kema. Son petit portefeuille, moi y volé, moi y vidé. Son petit portefeuille, moi y volé, Kema. Qu'il est toujours, après ça nous verrons. Ziggyza Ziggyzi. Qu'il est toujours, après ça nous verrons. Ziggyza Ziggyzi. Qu'il est toujours, après ça nous verrons. Ziggyza Ziggyzi. Excusez-la! Hey. On voyait Noëlla qui arrêtait pas de danser, là, c'était incroyable. Nice. Donc on vient d'entendre... Dommage qu'on n'a pas un webcam. Noëlla, le live feed dans la vidéo. Ouais, c'est ça, Noëlla danse un dernier rigodon, man. Ouais, Noëlla était sur chatroulette, là. Mais bon, revenons à nos tartes et moutons. Donc, c'est ça, Wong, Chili Chill. Vous participez à la prochaine édition des Word Ups. 18 mars, Word Up 7, au Bain Mathieu. Venez voir des rappers wax se faire péter par Sifu puis moi, tabarnak. D'ailleurs, j'en profite, l'invitation est lancée à Freddy Grossum et Card. Si vous voulez venir en studio là, dans les prochaines semaines, l'invitation est lancée, on va vous contacter. Vous pouvez venir répondre à ce qui a été dit sur vous ce soir. On vous attend. C'est la chasse aux singes. Sinon, bon, vous autres, c'est pas la première fois que vous venez à GE, vous connaissez le protocole. Force littéralement les artistes à rapper. Il y a Jean Joual qui est dans la place à être, donc si tu veux te joindre à tout... Moi, je peux pas parce qu'on vient de m'avertir qu'on n'a plus le droit de freestyler ici, à moins de s'appeler Dramatique. Pas down avec le concept, man. Fait que je boycotte votre shit. Non, non, man. Call donc quelqu'un, là. Non. Mais je peux pas, man. Ah, okay. Pas. Non, mais bon, on va y aller avec un freestyle ou comme notre ami Roy Enoch aime bien le dire, des styles libres. Style donc, libre. On vous laisse y aller, style libre. Faites ce que vous voulez. Puis voilà, gâtez-vous, man. Bande de putes. Oh, yo. Ah, yeah. Long taille son lower motherfucker. Bon si fou. Ah, dans la place à hey, yo. Je fais du kung fu. Ouais, regarde, moi je fais rien du tout. Je fais juste me promener avec un gun. Check ben je t'en donne. Mon téléphone il sonne. Ah, don't keep a fuck. Bon si fou. Arrive avec des cartons là dans ta face. Puis tu dis what the fuck. Hey yo, il parle kid. Yeah, what the fuck now. Kick blast. C'est juste un son vocal. Que j'arrive ici puis je parle mal. J'suis avec mon bois Jean Joël. Et avec Chili Chill juste en arrière de moi. Yo, on fait ici le shit illicit. Ici à ghetto érudit. What the fuck now. Yo, JJ on the spot. Get the fuck up and bust the freestyle. Point tes notes comme what the. Yeah, yo, wow. Yo, ça fait un bout que je suis pas venu à ghetto érudit en train de vapper. Mais là c'est cool pis tout le monde le dit. On n'a pas le droit de vapper si on s'appelle pas dramatique. Mais moi je m'appelle Jean-Joël, tu m'ouvres la porte ou tu gardes le portique. Mais ça, ça me dérange pas, je suis comme le number one soldier qui prend le mic pis qui le brûle à chaque fois qu'il commence à ouvrir sa gueule. Hey yo, j'arrêterai jamais, check moi faire venir au world up. Check moi faire venir chez vous. Check moi faire parler de mon rap à chaque fois que ça me tente de prendre un fucking 7-up and gin. Hey yo, y'a pas de tonic là-dedans. Mais je suis supersonic avec mon rap qui blast that shit. Et yo, si t'as besoin de quelque chose, t'appelles mon impresario. Mais c'est Jean-Joël, une impression de n'importe qui. C'est pas non plus Rosario, un gars de l'émission dans le temps. S'il y en a qui cachent pas, c'est pas le problème de Jean-Joël. C'est le problème à ta grand-mère qui manque à peu près 30 ans. J'ai à peu près 31 ans. Get the fuck out of my face si tu parles de calice de jerk and shit. Yo, la monnaie, la monnaie. La monnaie, la monnaie. Donne la monnaie. Pour quelque chose, la monnaie, la monnaie. La monnaie. Check it out, yo. Hey, on la veut toute pour quelque chose. La monnaie, la monnaie. Ou juste pour que la vie reste rose. La monnaie, la monnaie. Si je veux garder ma tête chaude, le bonnet toi magic avec ma veste rose. Tu me connais, tu me connais. Des fois la vie est dure, puis on dirait que tout chie. Fait que je me serrer la ceinture, vu que celle que je porte sous Gucci. Bien j'habite le centre-sud, mais j'ai des goûts très bougies. Fait que c'est l'argent avant les putes, j'ai pas le temps pour les groupies. Non, M-O-B, A-A-P, N-S-D. L'argent c'est comme l'amour dans le monde, y'en a jamais assez. Je veux des billets bleus, mauve, vert, rouge, brun. Je sais pas qu'est-ce qui vient après, s'il vous plaît, aidez-moi à quelqu'un. T'as de gratter mes scènes, sauf aucun cinq sous. La vie est tellement belle, je voudrais pas en rater plein de bouts. J'aurais l'air de quoi rentrer chez vous, les souliers pleins de boue. Avec des chaussettes pleines de trous, j'te plains de tout. Chill, chill. Mango man. La monnaie, la monnaie. Yeah. 750 yeah. Pièces. Yeah. La monnaie. Switch the beat, ouais j'arrive avec d'autres sortes de monnaie. Des yens, check comment j'arrive comme une chienne. J'ai tellement faim comme plein de sortes de chiens. Des yens, j'arrive puis je bouge tous tes os. Bon si fou, aka Général Tao. Parce que tu sais qu'avec moi t'as pas de beef, t'as du bon poulet. Monnaie, ah don't give a fuck. Check comment que je suis le seul chin talk on the spot. Yo, c'est comme ça que j'fais l'affaire. Sûr qu'on m'a the fucking fire. J'bosse de freestyle, j'm'appelle pas dramatique. Mais check, j'suis le seul asiatique dans le spot. Change de beat pis j'fais les shit à capelle. Ah, yeah, oh, yo, moi. Yeah, ok, yeah, yo. Dans le temps encore de cracher l'air que j'ai d'un poumon pour parler ou dire au monde que j'ai l'air con. À chaque fois que les autres rappent, parce que je les regarde puis je trouve que y'a rien à dire ou rien à faire. Fait que ton style fond comme la glace l'hiver. Il faut peut-être que je donne une note, ouais c'est du freestyle. C'est pas du shit que j'écris, c'est pas le shit que tu décris à chaque fois que tu vois un whack rapper. Là, à tous les jours, man. man. Chili chill, get that shit done. Ben ouais, man. Yo, on m'a hué, on m'a niaisé, on m'a pointé du doigt. On m'a checké, on m'a toisé, pis ça, maintes et maintes fois. M'arrêter de me parler, pis me dire n'importe quoi. J'ai vu des vestes se retourner, tandis que moi, je reste moi. J'aurais voulu faire la paix, voir les colombes roucouler. Je garde la tête haute, des têtes tombent, des larmes vont couler. Debout face à la horde, je sens que le sang va verser. J'suis un seul de solitaire, prêt pour la grande traversée. Parti seul sur mon chemin, plein de visions, des doutes. J'ai vu des os, des gobelins, la solitude dégoûte. Pas moyen de rester sain quand on sent seul des bouts. L'important, c'est pas le destin, mais ben le chemin, la route. Fait que si tu doutes de mes buts, de mes plus grands rêves, je n'ai rien à foutre depuis le début. Si tu penses que je niaise, debout au milieu d'une auberge, perdu sous mon rive, tout seul au monde, criant à vive voix qui même me suit. Yo, juste besoin de laid back, puis prends ce chill, j'come back, puis là j'te kill sur une blague. Est-ce que tu me files? J'suis hypocrite quand j'dis que j'file ton shit, bitch. Sauf que j'file ta bitch shit, j'ai quelque chose qui l'excite. Fink! Ass motherfucker, bon tifou, douche, pas un karatéka. Stick flow, boom bap, ou up tempo, let's go, j'boom bap. Le rap avec mon shit, so quit, yo. J'fais partie des fucking regular rap acts, spectacular. Montre-toi pas qu'avant que j'fais ça, j'ai. Après le basic shit, bitch, spit avec une technique qui est sick. J't'explique tout de suite, freestyle. Parce que là, j'fuck mon texte, puis j'débarque avec de quoi qui est encore. Yo, j'te parle de 14 sur le mic, man. J'arrive et c'est alright, man. What the fuck now, man, c'est tight, man. J'débarque avec un brief freestyle, puis tu dis what the fuck, c'est JJ, man. Hey yo, big up, les gars. Yeah. Yeah. Malheureusement. Yo les gars, bientôt les gars, les gars, motherfuckers. Un mot pourri, man. Freak, il est journal. Puis Freak, c'est même pas les MG. Word of Battle 7. Yeah. Jeune Chili Chill versus Card. 18 mars, man. Wong Sifu versus... Qui ça? Versus Freddy Gruesome. Freddy Gruesome. Moi, j'ai mon cash sur Joe RCA, bitches. So, thanks pour votre visite, les gars. Toujours un plaisir. C'est la famille, man. You know what it is. La famille G, man. Donc, bon, il reste plus beaucoup de temps à l'émission. On va se laisser avec une pièce d'un groupe qui a fait beaucoup de bruit l'année passée, surtout dans l'undergroundness, à la claire ensemble, avec la participation d'un artiste qui... ouvre le spectacle de Bande à part ce soir, donc Karma Hachka, Mush Down. Donc, on se laisse là-dessus et puis revenez-nous la semaine prochaine. Avec Frenchy Blanco et Sa Majesté l'Intrus. You know. Voilà. J'suis down, j'suis down, la tank est full. J'connais qu'un peu plus la tour est full. Sous ou sobre, j'mac les poulets. Même ta chick, c'est elle qui voulait. J'aurais pu front, mais au fond, qui suis-je? Tant qu'il y a des options, moi j'suis libre. On se permet des failles, question de vivre un peu. Vivre un peu, yeah. Speak to mon people, so left, but when she down. Deck the sound, man, mais to go, when she down. Réagis donc si t'es down, quand she down. Si ça tente de fredonner les lyrics de la tonne, quand cela bombe, comme hey yo. J'peux débarquer juste après le refrain, en faisant le move du gars qui sent que des fourmis d'ingénieurs. Si t'es down avec le calm, fait clap, clap. Si t'es down avec le Mimi Watch, clap, clap. Si t'es down avec Kent et le LO, clap, clap. Puis t'auras fini le track avec les pompes de main trans. Si tu veux une révolution armée, moi j'suis down. Si ton armée de quoi qu'on peut chanter, moi j'suis down. Si le monde avec toi au moins sont parfaits, moi j'suis down. Puis si tu ne ramènes de quoi à profiter, ben moi j'suis down. Yo, on s'en va bouffer du souche, moi je suis down. Quelqu'un peut porter mon sac, moi je suis down. Après on pètera des choses, moi je suis down. On pourra s'acheter des clothes, moi je suis down. Tu veux sur le track of that, moi je suis down. Est-ce que le joint est à point? Ouais, moi je suis down. On devrait suivre l'instinct de swing dans la danse. Band dans la jambe, reine de sting de la hanche. On va t'élever un peu, moi je suis down. De près, elle est cuite en salle, moi je suis down. On la ramène chez vous, moi je suis down. Tes parents sont dans le nord, moi je suis down. On la fait pas pour voir, moi je suis down. On la met dans le coffre du char, moi je suis down. Elle va trouver ça bizarre, moi je suis down. Les malades arrêtent de boire, moi je suis down. What's the deal, moi je suis down. The quacks, but you think that moi je suis down. These six make side, yo, moi je suis down. Boom, bit, crack, dick, moi je suis down. Chill, saw a kickball, it's down. Kinda say, yo, bob, I'm gonna shoot down. Moi je suis down, I'm cold, people, moi je suis down. Fuzzy, I'm cold, people, moi je suis down. Moi je suis down, fuzzy, people, fuzzy, down. Moi je suis down, I'm cold, people, moi je suis down. Thank you.